On est rentré dans sa maison et tout. On a été dans le lit. Et j'ai, comment dire, j'imagine la scène. Ouais. Non mais déjà, si tu lui parles comme ça, normalement si vous êtes arrivé dans le lit, à ce moment-là elle s'endormit. Normalement ça n'a rien passé derrière. C'est elle qui m'a dit que je voulais aller dans le lit, hein, c'est pas moi. D'accord, et alors vous avez fait l'amour, vous avez fait des choses? Ouais, on s'est embrassé. Après j'ai mis la capote, quoi. Et ma bite était à fond avancée et tout. C'est génial. Ouais. Un peu génial, ouais. Et donc? Et dès que j'ai mis la capote, elle a débandé tout de suite. Je sais pas ce qui s'est passé. Et la meuf a débandé ou toi t'as débandé? Non, c'est moi. Ah d'accord. On sait pas, hein, soit on a entendu. Écoute. Ah, c'est la tuile, Gaëtan. Et tu lui as dit quoi, la meuf? Bah, je lui ai dit, c'est pas normal. Bah, bouge pas. On va en parler ensemble. On a tous eu des pannes sexuelles. Que celui qui n'a pas eu une panne sexuelle par journée dans sa vie me jette la première pierre. Je ne reçois pas de pierre. J'ai reçu des stylos. Voici William sur Fun Radio. Passez une bonne nuit, Libertad. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. What the case? Doesn't kill you, only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down a door again, door again. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down a door again, door again. Et toute la Belgique en entier, chaque soir ici, ramenez-vous, on fête la victoire des Diables ensemble. 1-0, les Belges ont gagné. Ouais. Big up à Liège, vous nous écoutez, vous êtes branchés là, 99 FM. Namur, ramenez-vous, on fait la teuf, 107.5. Tournez, 97.4, c'est la fréquence, big up à vous. Partout à BX, 104.7, on est sur Fun. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. 6 émissions avant la fin de la saison, les amis, 23h26. Merci nous a. Putain, 6 émissions. Non mais attends, il faut quand même. Ah la rasera que je viens de me foutre, sans déconner, je vais faire quoi cet été? Je sais pas, c'est ce qu'on s'est demandé ce matin en fait. Ouais. Oui, d'ailleurs, on nous demandait comment s'est passée votre réunion là, c'était Bic qui nous dit ça. Très bien. C'était sympa, dis-moi. C'était. J'ai pu rencontrer les patrons, c'était la première fois que je les voyais. Voilà. C'était aussi moi la première fois que je les voyais. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai dit bonjour au patron, il m'a regardé. Il m'a regardé chelou, il m'a dit ah, c'est toi. Enfin, genre, j'ai vu dans ses yeux qu'il m'a fait ah, c'est toi quand même, ça fait un an que je suis censé c'est voir. C'est toi qui sors des vannes de merde à la radio, c'est toi qui nique mon audience, enfoiré. Il y a Imani qui arrive dans quelques instants sur Fun Radio. Et tiens. J'ai les chiffres du jour pour vous. Oui. C'était dans la presse ce matin. Un végétarien sur trois a avoué avoir déjà mangé de la viande. Bah est-ce oui. que vous êtes déjà végétarien? Après avoir trop bu d'alcool, pardon. Ah, après avoir trop bu d'alcool. Bah non, je suis. Vous êtes végétarien? Qui est végétarien dans l'équipe? Personne? Non, moi j'ai essayé, j'ai tenu un mois. Un mois? Ouais, j'ai tenu un mois. Un mois? C'est pas mal. Mais je mangeais du poisson quand même. Parce que mes parents m'ont emmené une fois au quick et. T'as craqué pendant ton régime végétarien? T'as mangé de la viande? Non. Bah voilà, sache-le, un végétarien sur trois avoue avoir déjà mangé de la viande. Et à mon avis, un alcoolique sur trois est un légume aussi le lendemain de cuite. Voilà, faut le savoir. Tout va bien, tout est parfait. Don't be so shy sur Fun Radio. PPLM, t'as pas l'info mec aussi avec Jonathan. Vous voulez jouer avec nous, vous inscrivez au 6322. Vous envoyez M-I-K-E au début du message. Plus vos coordonnées, c'est 2€ par message. Il y a Gaëtan qui est avec nous, 23 ans à Libremont. À Libremont, putain, je vais y arriver, Gaëtan. Ah oui, détends. Ouais, alors je vais pas te demander de me réécouter, de me réexpliquer tout ton sujet. Non, parce que sujet, on hein a une émission quand même jusqu'à 3h. Donc. Oui, parce que c'est en 46 chapitres. Alors, Gaëtan, frérot, si je peux résumer, t'as une nouvelle meuf. Ça se passe bien avec elle. Ça fait combien de temps que tu l'as rencontrée, cette fille-là? Combien de temps? Depuis 4 ans. 4 ans? Depuis 4 ans, ouais. Et tu sors avec elle depuis combien de temps? Depuis. On est en 2016, donc 2014. Ah, depuis 2 ans! Depuis 2 ans! Parce que. Ouais. Là, je comprends rien à son délire. Bah, à mon avis, je crois que. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure, il a mis une capote, il a débandé. Point, ça s'arrête là. Ouais, c'est ça? Ouais. Mais donc, si vous mettez des. Si vous étiez avec elle depuis 2 ans, j'imagine que c'était pas la première fois que tu faisais l'amour avec elle. Il y a plein de raisons. Bon, avant, c'était des petits bisous, la langue, et maintenant, c'était plus. Ah d'accord. Ouais, mais il y a plein de raisons qui fait que tu peux porter une capote, tu sais, il suffit que genre elle ait oublié sa pilule une fois et ils sont obligés de se protéger parce que ça peut avoir un risque qu'elle tombe enceinte, etc. Donc il y a plein de raisons qui fait que tu dois porter une capote. On nous dit au 3044, mon copain ça fait des mois qu'il ne mange plus, donc je suis à l'eau sec, c'est débile qui nous dit ça et puis je m'habitue. D'accord. Putain. Donc c'est à cause de la capote, tu penses? Tu débandes automatiquement. Ouais. Quoi. Mais c'est Susan Boy ta meuf? Je vois que ça, ou Dora l'Exploratrice à la limite, mais Dora c'est excitant quand même. T'es sûr que. Ouais, c'est vrai que Shipper le renard. Ah putain. Shipper de shipper, bah pas dans ton cul en tout cas. Et t'es sûr que c'est pas l'alcool, Gaëtan? C'est ma capote. Ne fais pas dans l'humour. C'est pas parce que t'es bourré, Gaëtan, t'es pas trop sous alcool quand vous faites la chose? Non. Bah non, mais parce que ça pourrait expliquer le fait qu'il n'y arrive pas, Gaëtan. Moi je bois presque jamais. Bah t'as raison. De blanche rosée, après c'est tout. T'as raison, mais moi je suis un peu comme toi. Mais c'est parce que tu vois, nous les mecs on se met trop la pression. Ah ouais. Alors que les filles elles pensent pas qu'au physique et aux performances. Vous devriez d'ailleurs, enfin Coralie surtout. Tu ferais mieux d'y penser quoi. Non mais Jonathan, est-ce que t'as un conseil à lui donner? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé avec une capote. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que généralement la capote elle me sert trop et donc du coup ça me fait mal et ça me fait débander. Donc achète une capote plus grande. Ah oui, écoute le gars là. Bah, ah là, là je dis ce qui m'arrive. Après la capote elle pouvait être trop petite aussi. J'ai pas dit que j'avais un pénis qui mesurait 45 cm. Je suis au BDR. 20 cm de moi. Non, c'est quand même du rôle, les gars. Non, mais voilà, mais après ça se peut et franchement moi ça m'arrive. C'est la capote parfois elle est trop serrante. Ça dépend la marque, ça dépend le modèle et ça me fait débander. Mais généralement en plus t'as une phrase que tous les mecs du monde ont déjà sorti à ce moment-là. Non mais je te jure, chérie, je sais pas ce qui se passe, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est aussi ce que Charles Michel a dit en arrivant au gouvernement. Il faut le savoir, en devenant Premier ministre. Petite astuce, d'ailleurs, vous pouvez recycler cette excuse, je vous le dis, sachez-le, ça marche aussi si jamais vous vous trompez de trou. Si vous couchez avec votre chien ou je sais pas où, votre meuf, vous proche, je parle par expérience. D'accord. Excuse-moi, ça t'est déjà arrivé De dépendre, ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais à ce moment-là, j'ai une technique, donc je recommence les préliminaires. je passe au premier. Ah ouais, tu te réchauffes en fait. Ouais, je me réchauffe, je retire la capote et puis après je. Mais tu dois la remettre après, donc ça doit. Non, j'ai toujours plusieurs capotes sur moi au cas où. D'accord, mais comment il pourrait faire Coralie pour. J'en sais rien, je suis pas un mec. Ah, c'est... Bah, justement. Bah, c'est sur toi que la roue est tombée, moi, Cyril. Je suis désolé, mais tu te démerdes. Mais justement. Toi... Mais ça m'est déjà arrivé avec un mec et je crois que ça a plusieurs fois en fait avec le même mec. Non, à trois. Hein. Non, mais plusieurs fois avec le même mec, à chaque fois qu'on lui mettait, qu'on voulait mettre, que voilà, on lui mettait de la capote, c'était fini, il bandait plus. Ah, mais et toi, j'ai juste... l'impression que toi, tu Allez. Peux sortir une encyclopédie sur les plus mauvais coups de baisse. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais sans déconner, elle a tout, Coralie. Mais il y a que toi qui est bon. Arrête. Après, moi, j'ai juste un dernier conseil, demande à ta copine de plus t'exciter, tu vois, parce que c'est un peu son boulot, elle voit que t'es pas trop dans le truc. Son boulot, non mais t'es sérieux. Bah, le sexe c'est dans les deux sens. Non, après. Mais maintenant je pense qu'il y a des gens qui aiment vraiment pas porter des capotes et ça les bloque vraiment, ça peut arriver. Oui, mais alors qu'elle le suce. Ok, d'accord. Bien. Okay. Non mais après sinon, par contre, à la place du préservatif, vous avez d'autres moyens pour vous protéger si vous faites, enfin si c'est juste pour empêcher d'avoir des gosses. Un stérilé. Il y a d'autres moyens pour, ouais voilà, un stérilé. Une ablation des ovaires. Stérilé, ça me paraît un peu compliqué comme technique en boîte de nuit. Viens on baisse. Attends, enfile ça dans ta touche à d'abord. Tu mets ça dans ta touche à bien profond et après on y va. Mais c'est important, faut se protéger. Que c'est hein. Stérilé, parce que stérilé, tu l'enfonces pas dans ta chatte. Mais c'est une façon de parler, Coralie. Vous voyez ce que je subis tous les jours. Le premier degré de la meuf. On est dans le délire et putain, elle paf, elle t'emmerde quoi, tu je vois. Super fatiguée. Mais non, mais voilà, mais c'est pas, ça protège pas. Enfin, stérilé, ça protège pas des maladies sexuellement transmissibles. C'est ce que j'ai dit. Ah bah. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit si c'est pour uniquement ne pas faire de bébé. Après, il faut faire des tests. Je regarde la télévision. Vous avez tourné le standard, ce sera mieux. Il sonne pas pour le moment. Ouais. Bon. Mais sinon aujourd'hui on nous dit sur l'SMS il existe des capotes ultra fines. Gaëtan, tu pourrais tester ça? Ouais. Bah moi c'est celles qui font le plus mal hein, personne. Gaëtan il a 12 ans, je dis capote pipiqué, il est mort de rire le gars. Il a 12 ans dans sa tête. Eh oui. On nous dit par SMS 32% des hommes belges ont déclaré avoir déjà connu l'impuissance, sachant que l'impuissance c'est l'impossibilité d'avoir une érection qui dure pendant 3 mois minimum. Hein? 3 mois, t'as mal aux zizi après, putain. Attends, 3 mois non-stop? Non, mais ouais, pendant 3 mois, t'arrives pas à avoir des érections chaque fois que tu fais l'amour à ta meuf, quoi. Okay. De toute façon, je vais vous dire, et je vais terminer par ce SMS de Guillaume, au 3044. Il n'y a pas d'homme impuissant, il n'y a que des femmes fainéantes. Et voilà, on s'arrêtera là-dessus. Gaëtan, bonne soirée, mon pote. A plus, mec. Bonne soirée. A bientôt, Gaëtan. Dans l'émission Garde ta joie de vivre, frérot. 23h33 sur Fun Radio. TPLM tape à l'info mec dans quelques instants pour jouer avec nous, pour repartir avec du cadeau. Comme chaque soir ici dans l'Open Space, vous envoyez maintenant un petit SMS au 6322. Vous commencez le message par le code MIKE, c'est 2€ par message. Et vous serez face à Jonathan dans quelques instants, oui, qui vous donnera le début des infos insolites. Vous trouvez la fin. Et cadeau fun à la clé. On fera le Just Fucking Free aussi. Et puis vos appels en direct au 02 851 4x0. Voici le son d'Imani sur Fun Radio. En direct, allez les gars. Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my stare, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my Makalov. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. And bless me further. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why. Et le soir sur Fun Radio, l'union fait la force. Toute la Belgique, toutes les religions, chrétiens, juifs, musulmans, athées, toutes les couleurs de peau, les origines. Ramenez-vous toutes les orientations sexuelles, toutes les classes sociales, tout le monde. Sans distinction aucune, le soir ici c'est l'Open Space sur Fun Radio. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Eh, 6 émissions avant la fin de la saison les amis, ça me fout en race. Ah putain. Mais t'es occupé de danser là on dirait. Ah je suis pas bien, sans déconner. Ah, on est 22 juin là, déjà j'ai pas vu la saison passer. Avec vous on s'amuse trop les amis. Voilà la phrase de merde. Non mais c'est vrai je l'ai pas vu passer parce que tout à l'heure t'as dit que le premier TPLM on l'a fait le 21 mars. Oui, et ça fait déjà 3 mois. Nous allons faire le tap à l'info mec. Ouais. Oui, ça fait 3 mois et... Donc au bout d'un moment, faudra quand même que ça finisse par décoller, Jonathan. Faudra quand même que tu prennes un niveau. Écoute, PNC au port, le Concorde va décoller. Ça arrive. Ah putain, tout à l'heure j'ai croisé Jonathan dans la rue. Je l'ai vu faire une bonne vanne. Je m'approche pour le féliciter. C'était pas lui. Donc voilà, je me suis dit un petit peu trop d'espoir. Vita Jules pour la suite. Vita et Jules, c'est bon ça, ça arrive dans quelques instants. On a rien à foutre. Fun Radio. David est avec nous pour faire le top à l'info mec. Bonsoir David. Salut Dave. Bonsoir. Ça va David? Ça va et vous? Bah ouais, c'est que du fun. Tranquille David. On a pas mal d'énergie en ce moment. T'appelles de quel coin en ce moment David? Esoprel, la région de Charleroi. D'accord. Ah bah c'était pas du tout à Bruxelles, il y a marqué Bruxelles sur cette affiche frérot. Tu fais quoi dans la vie mon David? Rien, recherche d'emploi. Bon. T'as monté le match avec les potes? Bien évidemment. Ah, t'as pensé quoi alors ton analyse du match des Diables en deux mots? Match à chier mais victoire. Ouais c'est vrai qu'on s'est fait chier putain. On s'est emmerdé. On s'est clairement fait chier. Mais bon l'essentiel c'est les 3 points comme dirait l'autre. Ouais. Alors frérot David et c'est la qualif surtout hein, oui. Les Diables et qui ouais. On jouera contre la Hongrie c'est ça contre dimanche. La Hongrie, ouais. Voilà donc lundi résultat. Et les quarts de finale, c'est quand? Les quarts de finale, c'est à partir de mercredi prochain. Ah, donc voilà. On les verra en direct, on sera encore en direct. On sera encore là. Bon, très bien. Et d'ailleurs, putain, je le dirai pas, je le dirai tout à l'heure. J'ai une surprise pour la dernière de l'émission jeudi prochain. Ah oui, je suis au courant. J'ai une surprise pour la dernière de l'émission jeudi prochain. Ah, Zézel, tu vas avoir du alors, frérot David, on va jouer au tap à l'info, mec. Tu choisis qui pour jouer face à toi au tap à l'info, mec? Est-ce que tu choisis Zézel ou Coralie? Coralie qui est au... Zézel, ok, très bien. Tu auras peut-être dû choisir Coralie parce que ce soir elle est très fatiguée, elle est au bout du rouleau, elle a pas dormi de la nuit. Ouais, mais je crois que Zézel c'est pas mal ce soir. Alors, je rappelle le concept, tu vas être opposé à Zézel et ça va donc jouer façon tir au but, un coup chacun. Jonathan va vous donner des infos insolites, le début des infos insolites. C'est vrai que c'est très tendancieux comme formule, comme formulation, mais bon. Vous posez des questions pendant 30 à 40 secondes, il peut répondre par oui ou par non. À l'issue de ces 40 secondes, il faut donner la bonne réponse, sinon t'as pas l'info, mec. Et c'est dans le cul, ok? Okay. Je sais pas comment on a terminé cette phrase. Non, mais on y pas va. Mal. T'as pas l'info, mais David, tu laisses Zézel commencer ou tu commences? Oh, je laisse commencer. Eh ben, allez, go, c'est parti. Ready, steady, go. T'as pas l'info, mec? Tristesse. Ah, oh, ça va. Zézel, un supporter lors du match France-Albanie a blessé 2 personnes. Comment ont-ils fait? J'ai vu ça. Oh, mais... J'ai vu cette histoire. Il pose des questions. Oh, mais putain, ils lui ont balancé quelque chose? Non. Est-ce qu'ils l'ont frappé? Non. Avec un objet? Oui. Est-ce que ça a à voir avec un objet? Ok, oui. Avec un vélo? Non. Pense à ce que Jonathan aime faire en antenne. Arrête! Ah, putain. Arrête aussi! Qu'est-ce qui sert de fourre-tout? Ah bah je sais pas, John, putain t'es responsable ou pas? Mais je suis pas responsable les gars, arrêtez. Oh putain j'aurais pu. Je sais pas, franchement je vois vraiment pas. Attends, des indices Mais des indices. Et pose des questions que, hein. Est-ce que le mec le mec après il a su continuer à marcher ou pas? Non, je crois pas. Okay. Je crois pas. Mais t'as l'info mec parce que... Non il a pas l'info, il a pas, bah, l'info, t'as pas, non, l'info, il a pas l'info. T'as pas l'info, t'as pas l'info. En fait ça s'est passé à Nice. Non. Je sais pas comment. Ça, c'est... Enfin, franchement, j'étais mort de rire la journée avec ça. Ça s'est passé à Nice. Ça s'est passé à Nice et en fait, il y a un supporter de l'équipe de France qui s'est dit tiens, j'ai un fumigène si je me foutais dans le cul. Il a passé les sécurités avec ça, dans les fesses. En fait, Donc c'est à dire que le gars met ça dans les fesses au moment de passer la sécurité, Jonathan. Oui. C'est à dire qu'il a dû passer en boitant, tu vois, devant ça. La sécu. C'est ça, mais en fait. Mais tu sais, en plus, la sécu, il te palpe et tout, putain, pourvu qu'il te. Parce que tu vas dire, il te palpe. Aïe quoi, ça. Ça peut me faire très très mal. Non mais ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Le pire c'est qu'il a quand même blessé deux personnes. Je sais pas comment c'est sorti de son cul. Non mais ça va, tout le monde va bien. Il y a pas eu de blessés graves. C'est des blessures légères hein. Voilà. Si on en rigole. Bon, voilà, je voulais juste dire un truc aux supporters. Ils se traitent de PD, de Tarlouse en tout. Entre guillemets, c'est quand même mes premières fautes. Des trucs dans le cul en ce moment. Mais voilà. Attends. Voilà, tu peux pas dire PD Tarlouse non plus, donc excuse-toi s'il te plaît quand même. Non, mais je disais, c'est les premiers à être homophobes et péjoratifs, donc du coup, c'est les premiers aussi à se foutre des trucs dans le cul, point. C'était une vanne. C'est bien connu, les plus grands homophobes sont des refoulés apparemment, est-ce qu'on dit. À skip. Bon, on enchaîne. On enchaîne, sinon je vais jamais finir avec. Et je crois qu'on a encore des trucs dans le thème. Attention, David, c'est à toi. D'accord. Ah ouais, bah justement, tiens. Un jeune homme de 18 ans a agressé un policier, et en tentant de s'enfuir, que lui est-il arrivé, David? Il a mis un coup de poing. Il a mis un coup de poing au policier, ouais, mais en s'enfuyant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il est tombé dans les escaliers. Non, pas dans les escaliers, non. Dans des escalators. Non. Il s'est cassé la gueule contre un poteau. Pas contre un poteau. Et c'est pas la contre gueule. Contre une barrière. Et c'est une barrière, mais c'était pas la gueule. Il s'est cassé un bras contre une barrière. Non. Une jambe. Non. Un pied. Non. On s'en rapproche. La cheville. Non, plus haut. Le genou. Plus haut. T'as pas l'info, mec. Franchement, je pense que je les ai sélectionnés ce soir. En fait, il s'est pris les couilles dans un portail. C'est magnifique. En fait, il a donné un coup de poing. C'est juste après la fête de la musique hier à Rennes. Il a donné un coup de poing à un policier. Et en s'enfuyant, il a escaladé un portail. Et il s'est empalé les couilles dans le portail, en fait. Attends. L'empêche, la suite, il a quand même d'abord été placé en garde à vue avant de pouvoir aller aux urgences. Sérieusement hein. Ouais, il a d'abord été en garde à vue. Et puis après, il a été aux urgences. Donc voilà. Ok, très bien. Donc, ça fait toujours 0-0, Zezel. Et je crois que celle-là, elle est pour toi. Un nouveau concept de café va ouvrir en Suisse, à Genève. Quelle en est la particularité? Est-ce qu'il y a... Ah pardon, j'ai oublié de mettre le chrono, vas-y. Est-ce qu'il y a des femmes à poil? Oui. Oh, je suis fort, t'as vu l'info? Ouais, j'ai vu l'info. Est-ce que c'est des femmes qui viennent servir le café à table? Oui. Ok, est-ce qu'elles viennent à poil? Bah oui. Ok, et elles pratiquent des trucs en plus? Oui. En même temps que le café? Oui. T'as l'info, mec. Mais t'as l'info. T'as l'info. On est bon, y'a pas besoin de plus, t'as l'info, voilà. Bravo. Voilà, putain. Bravo, Zézé. Bah ouais, c'est vrai que c'était pas donc, moi. À mon avis, ton prochain voyage cet été, ce sera en Suisse, à Genève, et il s'agit d'un café à pipe. Il s'agit d'un café à pipe qui sera ouvert de 9 à 20h, et les meufs, en fait, on va pouvoir les sélectionner via des iPads. Donc attends. Prostituées. Quoi? T'as dit que c'était où? À Genève. Ok, je vais t'as eu un casting? T'as dit que je partais en Suisse cet été? Non, mais moi je vais aller postuler là-bas, donc toi tu restes ici et moi je vais postuler. D'accord, mais je vais te foutre dans le lac Léman, tu vas rien comprendre. Ah, vous êtes gênant quand même. Non, mais attends. Et n'empêche, tu te rends quand même compte que tu vas dans un truc, dans un café en Suisse et que c'est légalisé total, que tu peux choisir ta pute sur un iPad tranquille. En fait, le mec, le créateur. Mais attends, j'ai lu justement, parce qu'on a lu le même article à mon avis, on fréquente les mêmes sites internet, à savoir à mon avis lemonde.fr, j'ai lu dans l'article que le café c'était 60€. Oui, c'est 60€. Hors prestation sexuelle. Hors prestation sexuelle et en plus. Mais c'est fou. C'est dingue, ça veut dire que quoi? Tu vas rue de l'Arscott, c'est 40€. Café pipe, ok, 60€, mais un café 60 boules, c'est-à-dire la pipe, il fait combien? Bah j'en sais rien, il était pas noté dans l'article. T'as pas les prix? Mais j'ai pas pris. Est-ce qu'ils prennent le bon contact? Je crois qu'ils prennent Maestro. Je suis pas sûr. Hein, la Suisse c'est quand même en Europe. Et quand les vacances déjà? Ouais, c'est bientôt. C'est bientôt. Et donc en fait simplement le créateur a dit que d'après des études, les hommes seraient plus efficaces au boulot, plus persistants au boulot après être satisfaits le matin. Donc moi je dis merci monsieur. Merci monsieur. Bah très bien. Bah c'est bien connu. L'ami du petit déjeuner, c'est l'ami Ricoré. Bon, et cadeau pour toi, David. On a pas le temps de faire le dernier, mon pote. Mais je t'envoie du cadeau quand même. La maison, ok? Ça marche, merci. Bon, bonne soirée, David. Bonne soirée. À bientôt. Et vive les diables. Et vive les diables, t'as bien raison. Et allez, les diables contre la Hongrie dimanche, Zezel. Contre les diables. On va vous mettre une fessée. Ça va être un match compliqué, à mon avis. Ça va être un beau match. Bon, allez, vive ça va être un beau match, ça c'est sûr. On ne va pas s'ennuyer pendant ce 8ème de finale. Et la France joue contre qui en 8ème? La France. L'Irlande du Nord, je crois. Non, la France, on sait toujours pas. Elle joue contre le 3ème. Le 3ème de notre groupe. Non, le 3ème du groupe A, B, C. Non, je crois que c'est le 3ème de notre groupe. Bon, on va s'enseigner. De toute façon, j'aurai tout pour le loto. Je crois que c'est contre l'Irlande du Nord. On fera le loto foot évidemment tout à l'heure. Just fucking pre à venir. Et Jonathan. Non, je voulais juste dire qu'à mon avis, un très beau match aussi qui s'annonce, c'est Italie-Espagne pour le 8ème. Ouh. Voilà. Oh, c'est un match de finale ça. Ah, ça c'est. Ça c'est bon la petite finale, très bien. Dans quelques instants, tiens, je vais vous faire un tu préfères.

Attention, Zezel, tiens, tu préfères qu'on te serve à chaque fois la même commande au McDo, enfin qu'on te serve, attends, pardon. Tu préfères qu'on te serve la mauvaise commande au McDo à vie ou être derrière le type qui a 30 bons de réduction à chaque fois que tu fais tes courses, tu sais, ce fameux gars. Ouais, putain, le gars chelou. Ouais, mais c'est pas grave, le gars chelou quand même. Ah non, non, non. Le gars chelou avec tous ses coupons. Ah, tu préfères faire la queue au supermarché, la file au supermarché. Ouais, ouais, j'adore, ouais, j'adore la queue. Attends, je préfère être mal servi au McDo. J'ai aucune patience. Et toi, David, le McDo ou. McDo. Ouais, d'accord. Tiens, j'en ai une. Tu préfères. Jonathan, tu préfères tenir un food truck avec Philippe et Chebest par-dessus ton épaule qui te gueule dessus 24-24 toute ta vie ou relancer la tectonique tout seul en 2016? Ah, relancer la tectonique, parce que je ferai le buzz. Ah non. Ah, si. David, tu préfères avoir le hockey toute ta vie ou avoir tout le temps le son de Jules dans ma paranoïa qui est dans ta tête? Oh, putain. Ah, c'est dur là. Non. Ah, le hockey toute ta vie ou Jules dans ta tête toute ta vie? Le hockey. Ah, tu peux en mourir en plus du hockey. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, sérieux. De Jules vraiment mourir. Oui, de Jules aussi. Jules, tu plus que le hockey. Ouais, c'est ça, je crois que Jules tue plus que le hockey. Rappelle, Jules fait environ 6 ans de retard, malheureusement. Évidemment, c'est un fléau, il faut le combattre ensemble. N'agissons pas seuls, sécurité routière, tous responsables. Oui. Attention, Zezel. Non, Coralie, tiens. Oui. Coralie, tu préfères être irrésistible et avoir la diarrhée à chaque fois que tu chopes? Ou passer complètement inaperçu et avoir la diarrhée quand même. Mais putain, mais ça. Non, c'était pour mon kiff. Bah, être irrésistible dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mike, je préfère passer inaperçu en fait. Alors, vas-y, j'en ai une pour toi. Ouais. Mike, est-ce que tu préfères tromper ta meuf et penser à ton ex ou bien coucher avec ton ex et penser à ta meuf? Ah, c'est chaud! Ah, c'est chaud, hein! Ouais, mais quoi qu'il se dise, je suis dans la merde là! Ah ouais. Coucher avec ma meuf et penser à mon ex. Ouais, c'est ce que je préfère aussi, ouais. Ouais, parce qu'au moins tu la trompes pas, quoi. Tu la trompes pas vraiment. Et tiens, vas-y, Jonathan, puisque tu parles, un petit dernier. Allez. Est-ce que tu préfères avoir des poils pubiens à la place des dents ou des dents à la place des poils pubiens? Grande question. Attends, est-ce que je préfère avoir des dents à la place des poils ou bien des avoir poils à la place des dents? Ouais. Et on se pose des questions dans l'open space. Des dents à la place des poils. D'accord. Mais de toute façon, ça part vite. Donc. Ok, à tout de suite. Mike Open Space. Mike Open Space. Reviens tout de suite. Sur Fun Radio. Le Facebook, c'est Mike Open Space. On revient juste après ça sur Fun Radio. Fun Radio présente la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatt. Deux jours de fiesta et de son dance floor avec en live James Dino, Teddy K et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatt. Infos et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Le son dance floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Where are you now?

Grosse bombe Fun Radio, Madden, Golden Light. Vous l'avez découvert dans Party Fun avec Oli, le poteau. Il sera de retour vendredi d'ailleurs. Bonne nuit sur Fun. Total délire. 100% tolérance. Radio Bordel. Mike Open Space. Jusqu'à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, ça fait plaisir d'être avec vous les amis. 6 émissions avant la dernière, je sais, je le rappelle peut-être un peu beaucoup, mais ça me fout vraiment, mais vraiment, premier degré en angoisse. Bah on peut dire qu'il y en a 7, allez on va dire 6 et demi. Mais je sais pas ce que je vais faire cet été, parce que moi, tu voulais, à part la radio, bon Coralie que je considère comme étant une petite partie de ma vie, mais à part la radio, je me fais chier quoi, je vais faire quoi? Bah écoute, je sais pas ce que tu vas faire, mais t'as une annonce à nous faire. Ah bon? Ah, on n'a pas 6 émissions, on a 6 émissions et demi Mike. Ah non, je peux pas le dire hein. Ah tu peux pas? Je peux pas encore, c'est pas encore officiel. Ah mais parce que tu nous as teasé tout à l'heure. Bah, mais je sais, mais tu sais que j'en dis un peu trop. J'ai un peu la langue qui part vite quoi. J'ai la langue pendante comme on dit dans le milieu. La langue rugueuse. Exactement. Écoute, je ne veux pas savoir comment tu le sais. Voilà. Alors grosse émission jeudi prochain, oui pour la dernière. On vous prévoit des surprises. Voilà, on peut juste vous dire que Zezel va avoir du boulot. Ça va durer longtemps. Voilà. Et que ça va durer longtemps. Et que Zezel va avoir beaucoup de boulot. Voilà. Il y a Slimane qui arrive dans 5 minutes. Je sais, mais tu sais que j'en dis un peu trop. J'ai un peu la langue qui part vite, quoi. J'ai la langue pendante, comme on dit dans le milieu. La langue rugueuse. Exactement. Écoute, je ne veux pas savoir comment tu le sais. Voilà. Alors, grosse émission jeudi prochain, oui, pour la dernière. On vous prévoit des surprises. Voilà. On peut juste vous dire que. Que Zezel va avoir du boulot. Ça va durer longtemps. Voilà. Et que ça va durer longtemps. Et que Zezel va avoir beaucoup de boulot. Voilà. Il y a Slimane qui arrive dans 5 minutes sur Fun Radio Panam. Ah. Ah mon chouchou. Et mon sac à dos. Panam, on arrive. Moi mes rêves. Voilà. Alors grosse émission jeudi prochain, oui pour la dernière. On vous prévoit des surprises. Voilà. On peut juste vous dire que. Que Zezel va avoir du boulot. Ça va durer longtemps. Voilà. Et que ça va durer longtemps. Et que Zezel va avoir beaucoup de boulot. Voilà. Il y a Slimane qui arrive dans 5 minutes sur Fun Radio Panam. Ah. Ah mon chouchou. Et mon sac à dos. Panam, on arrive. Moi mes rêves. Et l'album de Slimane qui est en préparation, vous le découvrirez aussi sur Fun Radio évidemment. Pepen Rash aussi calé tout à l'heure, c'était demandé là par Olivier sur les SMS au 3044. Vous pouvez me demander d'ailleurs les sons que vous voulez vous écouter. Et l'album de Slimane qui est en préparation, vous le découvrirez aussi sur Fun Radio évidemment. Pepen Rash aussi calé tout à l'heure, c'était demandé là par Olivier sur les SMS au 3044. Vous pouvez me demander d'ailleurs les sons que vous voulez vous écouter. Qui est en préparation, vous le découvrirez aussi sur Fun Radio évidemment. Pepen Rash aussi calé tout à l'heure, c'était demandé là par Olivier sur les SMS au 3044. Vous pouvez me demander d'ailleurs les sons que vous voulez vous écouter. Qui est en préparation, vous le découvrirez aussi sur Fun Radio évidemment. Pepen Rash aussi calé tout à l'heure, c'était demandé là par Olivier sur les SMS au 3044. Vous pouvez me demander d'ailleurs les sons que vous voulez vous écouter. Qui est en préparation, vous le découvrirez aussi sur Fun Radio évidemment. Pepen Rash aussi calé tout à l'heure, c'était demandé là par Olivier sur les SMS au 3044. Vous pouvez me demander d'ailleurs les sons que vous voulez vous écouter. 3044, 50 centimes par message. Tout de suite, c'est l'heure de vous donner les titres à la une de l'actualité demain. Message, vous pouvez inscrire aussi sur le Facebook Mike Open Space. C'est ça. C'est gratos. Voilà. Les règles du si pas bien, Serge Van de Pod. Les règles du si pas bien, il y a trois mots à pas prononcer. Hein. C'est le si, le par, le bien. Il faut pas faire 2 secondes de blanc, pas dire 2 fois la même chose et surtout tenir 30 secondes et on repart avec la montre connectée. Venez essayer de nous piéger aussi pas bien, mais attention, nous sommes invincibles. Ce sera juste après le son de Slimane et la voyance en direct qui arrive aussi, hein, comme chaque mercredi soir avec Alex Day. Ouais, ça arrive, ouais. Voici Panam sur Fun Radio. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles. Le lendemain, l'école dans la cour. Je disais, poteau, passe-moi la balle. Maman me disait, fais tes devoirs. Je lui répondais, je lui faisais lire chacun mes poèmes. Un jour à Paris, je chanterai que je l'aime. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. J'attends le train pour Paris. Sur la tête, mon bonnet. Des idées sur la vie. Là-bas, les gens se foutent de tout, de tout. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Je veux me foutre de tout. Dans les bars, aller boire des coups. Oublier qu'après le périph', la vie est un peu plus triste. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves. Bonne nuit sur Fun. Êtes-vous prêt à retourner le pays? Hey. Êtes-vous prêt à foutre le bordel? 02-851, 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Avec vous tous et vous tout en direct, 02-851, 4x0 dans quelques instants. La suite du son Dance Floor, c'est Pepe Nolash qui arrive, le sample de Michael Jackson. Love the one you with. Love the one you with. Il y a du bon son ce soir, hein. Merci à lui, programmateur musical. Ah, on le kiffe. La fin de saison lui réussit. Le gars devrait être tout le temps en vacances, à mon avis. Ouais. Ce serait mieux pour la radio. Love the one you with. Pep and Wash dans 5 minutes sur Fun Radio. Et tout de suite, c'est l'heure du si pas bien. Il y a des SMS qui arrivent au 3044. On dit aujourd'hui, j'ai trouvé mon nouvel appart. Je suis fatigué. Comme bientôt, je serai seul à partir de demain. Je n'arrêterai plus de vous écouter. Gros bisous à vous. Et big up, on nous dit bah gros bisous, ma chérie. L'heure du si pas bien tout de suite avec Serge Van de Puce. Je suis là. Le jeu le plus dur du monde. Rappelez-moi les règles du si pas bien. Les règles du si pas bien. Il faut pas dire 3 mots. Si pas bien. Pas faire 2 secondes de blanc, pas dire 2 fois la même chose et surtout tenir 30 putain de secondes. Exactement. Vous tenez comme ça 30 secondes, vous repartez avec une montre connectée. Elle va être dure l'émission aujourd'hui. J'aurai un invité mystère dans quelques instants. Allez, coup d'envoi du si pas bien, Jonathan. Les go. C'est le si pas bien, pas bien dans Mike Open Space. Le jeu le plus dur du monde. 02-851, 4x0. Serez-vous à la hauteur? Et la voyance en direct qui arrive aussi sur Fun Radio. Plein de choses à faire ensemble. Oudi qui est avec nous. Allô Oudi. Salut Mike. Ah, ils sont occupés de faire des trucs. Tu fais klaxon Oudi? Grave. Bon, ça va ou quoi? T'as été voir le Machu? En terrasse. D'accord. Ok, t'as été où pardon? Très loin de la campagne. Ok, parfait. Terrasse, campagne, deux fois le son A, les gars. Hashtag en dessous de l'internet. Il avait fait deux fois eux. Il avait fait deux fois eux. Il y a des fois ça passe, des fois pas. Ouais. Ça dépend de notre humeur en fait, Woody. Oui, c'est un jeu qui est un petit peu orienté niveau arbitrage. Tierno est là pour Serge Fond de Pute, boss du service Reclamation. Mais c'est ça, ouais. T'es bien au courant. Salut, mec. Salut. Comment tu vas? Très bien. Ah, t'en dis bien, t'es dégueulasse. Bien, si pas bien, je rappelle les règles, pas deux fois le même son, pas deux secondes de blanc, il faut tenir 30 secondes, avoir une conversation logique et le jeu commence à partir du moment où on vous dit bonjour, par exemple, bonjour Laetitia pour Coralie. Bonjour Laetitia. Hello. Comment la tu vas? Wouh, wouh. Deux fois wouh. C'est perdu. Merde. Bonsoir. Bouge pas Laetitia. Ça va aller vite ce soir, j'ai l'impression. Tout le monde est bourré. La Belgique a gagné, c'est n'importe quoi. Bah, nous, on est pas avec bourré. Modération, je rappelle. On est pas bourré, bah, non, bah non, évidemment, on fait de la radio, on bosse, mais c'est pas pareil. Grégory est là. Oh, quel beau prénom. Bonsoir, Grégory. Ah, t'as un très beau prénom, j'aime beaucoup. Ça va? On aime pas mal en ce moment. Nickel. Oui. Bon, t'as fait quoi toi? T'as regardé le match des Diables? Non, t'as la console. D'accord, tu joues à quel jeu sur la console? GTA 5. GTA 5? Grand Theft Auto pour les intimes. D'accord, et c'est quoi les noms des trois personnages? Michael, Trevor et Franklin. Pardon? Je viens de te le dire. Deux fois je viens de te le dire. Ah là, t'as bugué. Combien de 20, secondes? 23 secondes. 23 secondes, on est pas mal, meilleur temps de la soirée pour toi Grégory. Deuxième tour pour tout le monde, avec Oudi qui est là pour Serge Chante de Pute. Oudi! Salut! Dis-moi oui! Alors, ça va ta voiture Oudi? Oudi! Tranquille, c'est toi. Bah tranquille, tu fous quoi? Je marche. Tu marches où? Seul. Dans la rue, toi. Personne. Dans la rue, bah moi je marche pas, je suis à la radio. T'as écouté le début d'émission au moins, inquiète? Même pas. Même pas, t'as dit pas. Le son pas. Et voilà, c'est perdu. Et fini. Game over, Woody. Bonne soirée, mon pote. Salut. C'est perdu, frérot. Pas plus, mec. Big up. T'es dans la voiture, Woody? Non, je suis dehors. Ah, d'accord, ok. Comme on donne des klaxons. J'ai cru que c'était encore le type pas bien et tout. Je voulais pas dire. Ouais. Bah, tu l'as dit. Non, c'est fini. Non, je suis pas dans la voiture. Ok, Woody, big up, mon pote. À bientôt. Tierno pour Coco. Bonsoir, Tierno. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, quand cette voix là de ça va. Ça va. T'as fait quoi aujourd'hui? Il chauffe. J'ai regardé le match. T'as regardé le match, t'aimes bien le foot? Ouais. Ouais, t'es sûr? Certaine. Certaine, t'es une fille. Deux secondes de blanc. C'est perdu, Tierno. J'ai pas entendu. Bah oui, mais t'es vite dedans quand même. Hein, faut être attentif, hein, sinon c'est trop facile. Mais là, je croyais que. Oh. Bah tu croyais mal. J'ai pas entendu. Et bah t'envoies un petit mail de réclamation à nosreponses à funradio.be, ok. Bisous Tierno. Si tu repasses Coralie, raccroche pas Tierno et tu retentes ta chance quand tu veux, ok mon pote. Ok. À bientôt Tierno. Laetitia qui est en train de se faire brancher. Et qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Allô. Attends. Bonsoir Laetitia. Allô. Elle se fout de notre gueule ou quoi? Allô. Oui. Allô. Allô. Allô. Bah deux fois oui, c'est bon. Oh, perdu Laetitia, ouais. Dommage. C'est parce que tu prends Laetitia, t'es à la radio, tu parles avec qui là Laetitia? C'est qui ce gars? Bah je suis à la grande place hein. Bah c'est qui ce gars qui t'aborde? Oui. Bah c'est un gars voilà que j'ai rencontré dans la vie. J'aime pas ça. Je te le dis clairement, okay. Laetitia, j'aime pas ça. Jaloux. Bon, je t'embrasse. Bah non. J'essaie de les conserver quoi, déjà pas beaucoup. Alors Grégory pour Coralie. Bonsoir Grégory. Rebonsoir Coralie. Rebonsoir. Ouais, comment tu vas? Ça va, et toi? Oh nickel, tu fais quoi? C'est à moi de poser les questions, donc arrête aussi de m'en poser. T'as fait quoi aujourd'hui? Bah comme je l'ai dit à Serge Van Der Put, je viens de jouer à la console. Comment il s'appelle? Ton collègue. C'est-à-dire? Bah, comme les plaies. Comme je l'ai dit, ouais, comme ouais, j'étais, ouais, machin, ouais. Elle a trop de fois comme. Mais il y a plein de fois eux aussi. On les laisse un petit peu. Bisous Grégory. Oh, à bientôt. Sache que grâce à ton prénom, je trouve que tu as été le meilleur aussi, pas bien ce soir. Bah, c'est le meilleur. Je sais pas si c'est le meilleur de tous, voilà. De toute façon. Bisous Grégory. A plus Greg. Oh. Bientôt. Bien, bon, on te kiffe Greg. Attends, il a une vanne, vas-y. Non, j'ai une question à poser. En fait, j'ai envoyé mon CV au McDo, mais je sais pas si c'est bien un McDo en fait. C'était bien bosser à McDo. Non, franchement moi j'ai bossé au McDo. Ouais, c'est pas mal je crois. J'ai bossé 3 mois au McDo quand j'étais étudiant. Ouais, c'est vrai. C'est mérito. Et c'est relou possible, on va pas se mentir. Mais par contre derrière tu fais des thunes et voilà, c'est le plus important je pense. Greg, t'as quel âge frérot? Oh, 21 ans. 21 ans, c'est cool. Ça va, ça passe. McDo c'est un taf étudiant après. Enfin, il y en a qui font carrière. Hein, tu sais, moi personnellement, il y a 6 mois, j'avais postulé pour le McDo et pour le Quick. Donc voilà, il y a pas de honte, il y a pas de sous-métier. Vas-y Grégory, si tu veux te faire de l'argent. Bon, parce par contre, après, bien, sinon c'est pour ça. Très mauvais plan McDo, très très mauvais plan, puis je le dis, enfin tous les employés de McDo de Quick confirmeront, c'est que t'as des repas gratos. Ah oui? Et que ça, c'est un coup à prendre 10 kilos par mois. Sans déconner. Ah ouais, c'est vrai, t'as vraiment. Tu bah d'ailleurs, vous voyez bien Coralie, elle sort de 2 ans chez KFC. voilà, elle avait malheureusement été licenciée. Ma chérie d'amour, je t'aime beaucoup, Coralie, pardonne-moi pour cette blague. Sûrement pas. Mais c'était pas une blague. Bon, Grégory, non mais vas-y au McDo. Hein. Bah non, je sais pas parce que mes potes ils disent ouais. Ils disent ouais c'est de la merde mais moi personnellement j'ai pas eu de bon truc, moi j'ai dit moi je vais aller moi-même pour ouais mais tes potes s'ils sont chômage c'est pas vraiment mieux tu vois après le McDo non c'est parce qu'ils ont essayé au pif et ouais, après t'as travaillé dedans, ils disent non, après je me dis bah tu m'étonnes que tu sais pas demander alors quand même. Mais c'est un taf et puis au moins pour ton CV derrière ça montre que tu te bouges pour trouver du travail, c'est ça, t'es polyvalent, c'est bien parce qu'au McDo tu bosses en équipe et tout, bien sûr, et après tu travailles en équipe tout ça. C'est cool. Moi ça me dérange pas le travail d'équipe. Moi j'ai des potes à moi, ils sont au McDo, ils s'épanouissent de ouf hein, c'est ça. On va pas se mentir hein, Le travail d'équipe c'est essentiel, comme ça permet toujours d'accuser tes collègues, voilà. Exactement, très bonne philosophie. Tu pourrais venir bosser à Fun Radio. Bonne soirée Greg. A plus mec. Bonne soirée à vous. A bientôt frérot et tu retentes ta chance quand tu veux. Oh si pas bien, merci Sergent de Pet pour cette session si pas bien. Avec plaisir Chouka. Bon, on se voit très vite. Vous me rappelez Chouka? Ouais bah je t'aime bien aujourd'hui, je sais pas pourquoi mais... T'as passé une mauvaise journée, on m'a dit donc. Non, ça va, c'est sympa aujourd'hui. Ah, c'est sympa. Ouais. Bon, écoute, tant mieux. Hein. Voilà. Vous êtes mal informé, ça, jambe de pute. Ouais, je crois. Alex D, notre voyant, qui est là comme chaque mercredi soir, arrive dans quelques instants sur Fun Radio. Vous lui posez votre question sur votre avenir sentimental personnel au 02 851 4x0. J'ai un invité mystère aussi pour vous. Après Pen Pen Rush sur Fun Radio. Slips away because you're Bonne nuit sur Fun. Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. En direct, quelqu'un ouais. a passé une partie de... Tu te calmes, oui. Une partie de nos nuits avec vous. Quoi Je suis content, c'est peut-être le dernier ouais que je vais dire, tu vois. Enfin, les 6 derniers ouais, en tout cas, tu vois. Après, okay. on sera plus là. Bah, après, tu seras plus là, quoi, pour la saison prochaine. T'as des plans, d'ailleurs, pour septembre. Je comptais sur toi, mais... Ah, mais ne compte pas trop. Ah. Ouais, mais si je te le dis. Bon, de toute façon, je déménage au soleil, moi. Ne compte pas trop pour moi. Je m'arrache au soleil. Mon existence à ma finish la belle. Désormais, plus rien ne sera jamais pareil. Pour ma famille et mes potes, la vie sera belle. C'est tout. Invité mystère qui est avec nous sur Fun Radio. Je suis en craquage total. Il reste 6 émissions. Je vous le dis, ça va partir en couille. Invité mystère, ne dis pas ton nom. Parle okay. juste. Et normalement, les auditeurs vont te reconnaître d'une phrase complète. Alors une phrase complète. Attends, après un match. Jean Perruche, exceptionnellement, je fais un effort. Le mec en 6 mois, il a pas changé, tu vois. Il a pas changé. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai pas bu. Non, t'as pas bu, c'est de l'eau. Hein. Il est magique. Non, je déconne, voilà, ça va. Bon, comment va notre invité? C'est Eric, ancien stagiaire de l'Open Space. Je vais pas faire durer parce que t'es pas non plus une rostar en Belgique. C'est-à-dire qu'hier, il y a eu Rof dans mon incroyable école. Nous, on a Eric. Et quoi, de Molenbeek. J'étais stagiaire en fait à l'époque, sérieux? Oh, putain. Mais c'est, non, c'est, j'étais stagiaire. C'est le seul stagiaire de Belgique qui a 37 piges. Oui, c'est ça. Les gars, j'étais pas au courant. C'est maintenant que j'apprends que j'étais stagiaire. Je savais pas que j'étais stagiaire. Mais, disons que c'était un peu la bonne formule pour que tu restes un petit peu. Oui, Eric. Bon, ça fait plaisir, Eric, qui est passé nous voir là. T'es parti voir le match des Diables. Ouais. T'es parti voir ça où? À Bollers. Ouais, beau match, hein. Près de Nivelles, ouais. Ah non, c'est beau. Ah, c'est beau. D'accord. Non, on l'a attendu longtemps le match. Putain, il m'a manqué. Eh frérot, tu m'as manqué. Tu fais quoi en septembre, Eric? Et rien. Tu fais rien en septembre? Je cherche une radio qui veut bien m'accueillir. Si on reste, tu viens? Si on reste, hein, on sait pas encore. Non, je peux vous le dire. Allez. Je peux vous le dire? Ouais. Je peux balancer ou pas? Balance. Vous allez rester? Non, on n'en sait rien du tout. Non, sans déconner, on n'en sait rien du tout. Je peux pas vous le dire. Ah, vous êtes pas au courant? Vous êtes pas au courant? C'est quand même le seul mec qui est au courant avant nous, en fait. Ah, je vous le dis pas alors. Je vous le dis pas. Ok, merci beaucoup, Eric. Ah, je vous le dis pas. Arrête de nous donner des faux espoirs. Non, je vous le dis pas. Ouais, très bien. Eric, tiens d'ailleurs, la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est la dernière de l'Open Space. Bah ouais. Je comptais inviter tout le monde. Bah tu seras là, frérot, d'office. Il vient me dire qu'il a un problème. Il a deux problèmes. Non, je vais trouver une solution. J'ai les gosses à. Ouh merde. Ah, t'as les gosses? Je peux les filer à un ancien co-animateur à moi. C'est un peu risqué. Tu risques d'avoir. Sortez couvert, quoi. Il aime les garçons, il aime les enfants. Non, je déconne. On déconne pas. Bon, bah merci Eric, ça fait plaisir. En tout cas, tu restes faire un petit bout de l'émission avec nous, Eric. Ouais, il est choqué, Eric. Ouais, on est là. Sac Noël sur Fun Radio, c'est ce qu'on va s'écouter. Les trumpets blow. Comme quoi, il y a Django Paul. Paul. Alors, tiens, on va faire un petit. Imitation de Sean Paul, meilleure imitation de Sean Paul. Ok. Chabegabele. À moi, à toi. Samagalelo. Eric, c'est le seul. Non, mais le gars, frérot, t'as pas changé parce que déjà, je me rappelle quand t'étais là au début de saison. Ouais, c'est Sean Paul bourré déjà. Et c'est le seul. Il imite n'importe qui. Soit Sean Paul, François Hollande, Charles Michel, n'importe qui. Ça fait Benoît Poulvorde. Non, ça fait François Damiens, pardon. Ça fait François Damiens. François Damiens. Non, j'ai François. Coralie, imitation de Sean Paul. Tu peux le remettre? Jamais Gavetto. Jamais Galalo. Shana Paul. Jamais Galalo. C'est la plus pourrie. Alex D est là, notre voyant, comme chaque mercredi soir. Bonsoir Alex. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Alex? Excité, hein. Ah, on est chaud Alex. Ah, on il reste 6 émissions avant la fin de la saison Alex. On est super chaud. Et les auditeurs sont chauds bouillants aussi sur la voyance. Là, il y a plein de questions qui arrivent au 02851 4x0. Oui, j'ai d'abord une question pour Alex. Ah. J'aimerais savoir si Alex, tu te fous de notre gueule parce que ça fait 2 mois que tu dis que tu viens en studio, que t'es à Bruxelles, mais on te voit toujours pas en fait. Non, mais je suis venu, mais sauf que vous m'avez pas reconnu. Juste, c'est toi. Tu te calmes, tu ne prononces, ne prononces plus jamais ce mot dans mon émission. C'est 4 direct là pour le coup. Oh, alexd.be, la page Facebook, c'est Alex D, coach de vie, évidemment, pour prendre rendez-vous avec toi. En plus, j'ai vu que tu faisais des promos en ce moment. Ça y est, c'est les soldes. Non, ça, c'est pas une connerie. J'ai vu que tu faisais des prix et tout sur les consultations. Sur la page, ouais. C'est hyper intéressant, là, si vous voulez faire une consultation complète, hein, parce que à la radio, évidemment, t'essayes de répondre de la manière la plus précise qui soit, mais t'as pas forcément le temps, et c'est mieux toujours d'avoir la personne plus longtemps au téléphone, de bien détailler avec elle, ce qu'on n'a pas le temps de faire forcément à la radio. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui en allant sur sa page Facebook, avec des coachs de vie, ou alors posez votre question au 02 Tiens, vas-y, Eric, tu te rappelles du numéro? Oh putain. Ah, vas-y. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous appeler, je me souvenais plus du numéro. Il a appelé 0870-4242. Pendant 6 mois, ben rien, j'ai tout oublié. Et tu te rappelles plus du numéro? Attends, c'est Mike, toi, hein, c'est ça? Ouais, et toi, non, c'est vrai, je me souviens plus. Ce qui est bien, c'est que, comme à l'époque, quand je te fais parler, ça met toujours du rythme. Je kiffe ça, Eric. 02851-4x0 pour poser votre question à Alex. Tiens, Alex, on pronostiquera aussi les matchs de foot de ce week-end avec toi, ça va? Ouais. Ok, parce qu'il y a plein de matchs, il y a la Belgique qui joue contre la Hongrie, bah, notamment. C'est ça, en fait il y a 16 matchs parce que maintenant on connaît les 8e de finale, donc on va le faire en deux étapes, on va faire la première partie soir et la deuxième demain. Et d'autant plus que Alex, on lui avait fait pronostiquer tous les matchs la semaine dernière. Oui. Et il a eu tout bon. Il a eu tout bon. J'étais sur le cul. Bravo mon Alex. J'étais pas sur le cul. Il y a Jean-François qui est là dans quelques instants. Bonsoir Jeff. Hello JF. Bonsoir. Ça va Jeff? Ça va bien, ça va bien. T'es où toi Jean-François en Belgique? Andenne. D'accord. Et t'as maté la victoire des Diables? Bien sûr. Eh oui. T'étais où avec des potes? En solo? Non, j'étais chez mes grands-parents. Ok, bah tranquille. Bon, alors frérot, Jeff, t'as une question à poser concernant ton avenir professionnel, sentimental, concernant quoi? Avenir sentimental. D'accord, très bien. Ne bouge pas. Alex va tâcher d'y répondre juste après. Sac Noël. Salvi. Changa Paul. Tamek. Voilà. Yo, c'est la gala with the big tie. She fait gimme the. Head to the floor, gal, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy. Man, them say you have the comedy. Some me won't get some and come trouble. Bust two buckle of the bubbly. Call in two friend and then double. Girl so hot, she a bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body may take up a permanent residence. Trumpets blow. Quel kiff d'être avec vous chaque soir sur Fun Radio, minuit 28 en direct. Merci de nous avoir choisis les amis. On est là, je m'appelle Mike, c'est l'Open Space jusqu'à 2h du matin, vous tous et vous tout en live. 02 851 4x0. Libertad. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et on est connecté sur le Facebook de l'émission là, sur la page officielle. La communauté de l'Open Space se regroupe sur Mike Open Space. Est-ce que vous tapez Sur Facebook, ici, Jonathan. Mais il en fait, des signes depuis tout à l'heure. Oui, je suis en stress parce qu'il vient de remplacer les lampes du studio et elle est déjà occupée de clignoter comme si elle allait péter en fait. Ah ouais, ça me stresse. Ouais, je te promets. Genre, on se croirait dans une discothèque à certains moments. Elle a pété. Ouais, je crois. Non, elle a pas pété, mais là, elle est occupée de clignoter comme si elle allait péter. Oh putain, d'ailleurs, en parlant de discothèque, tu seras où, Coralie, mercredi, dimanche? Dimanche, je serai au You. Ah ouais, comme d'habitude. Ouais, je suis toujours au You dimanche. Je peux venir? Ça va se négocier. Jonathan, tu viens? Bah écoute, il paraît que c'est les 2 ans de la soirée, donc je viens. Ah ouais, ouais, si c'est les 2 ans, on y va tous. Venez avec nous, les amis, dimanche prochain au You. Alors, Coco, les messages sur le Facebook Mike Open Space. Oui, on a un message de Sabrina qui nous dit: bonsoir les amis de Mike Open Space. Bonsoir. Pourriez-vous me conseiller une application pour iPhone qui diffuse correctement votre son dancefloor? Car j'en ai déjà téléchargé plusieurs. Mais ça bug, genre décalage et compagnie. Je vais pouvoir balancer des infos que j'ai pas le droit de balancer. Non. J'adore. Merci Coralie. Et les gars, bonne soirée. Kiss. Sabrina d'Anderlecht. Alors Sabrina, il y a une application qui arrive. Oui, mais j'ai entendu ça tout à l'heure. Je vais pas vous donner la date parce que j'ai pas le droit. Oui, mais là c'est la bonne nouvelle. Ça faisait un peu longtemps qu'on attendait quand même. Donc ça y est, le patron a donné la bonne nouvelle tout à l'heure. Il y a une application qui arrive et qui devrait sortir normalement le 15 août. Ah ta gueule. Pour la rentrée et elle va cartonner l'appli. On nous l'a présenté ce matin. Ouais. Et je veux pas vous vendre du rêve, mais je survends pas le dos en disant que ça va cartonner. Ah, ça, c'est... Et que c'est un truc, c'est aucune autre application. En attendant, vous pouvez l'application, quoi. Il y a Live Radio, il y a TuneIn. TuneIn, moi j'ai TuneIn. TuneIn, ça marche pas mal aussi. Ouais. Sinon, sur le funradio.be également, mais ça c'est plus. Ça marche pas trop sur les smartphones, hein, je crois. C'est un peu galère. Ouais, sur non, vaut mieux télécharger une application. C'est plus Radio, plus Radio pour Belgique, les PC. Radio Belgique sur l'App Store. D'accord, très bien. Alex D, toujours avec nous, notre voyant. Évidemment, la page Facebook, c'est Alex D, coach de vie. Et vous pouvez aller prendre rendez-vous avec lui. Alex, oui. Jeff est là pour toi. Jeff, toujours là. Ouais. Jeff, pose ta question à Alex. Bah, en fait, je voulais savoir, parce que ça a cassé pour des conneries avec mon ex, et je voulais savoir s'il y avait des possibilités qu'on se remet ensemble, étant donné que je suis toujours amoureux d'elle, quoi. Ok. Ta date de naissance, Jeff? Le 12 avril 93. Et de ta copine? Le 22 novembre 93. Bon, de ce qui ressort, Jeff, c'est pas la première fois qu'il y a des erreurs dans votre relation là. Non. Pas mal de, le courant de l'année dernière, vous avez déjà eu un clash? On en a eu plusieurs, oui. Ouais, il y en a plusieurs, et notamment fin d'année. Est-ce que ça a été difficile? Oui, très, parce que ça a cassé, on s'est remis ensemble, j'ai réussi à arrondir les angles pour qu'on se remette ensemble. Mmh. Quoi. Oui, mais il y a une personne extérieure qui est de ton côté, qui elle a été soit jalouse d'une autre personne ou d'une fréquentation que tu avais, toi. Non, je pense pas, mais elle était fort jalouse, oui. Il y a un problème de jalousie, et pour moi, il y a un doute par rapport à une autre personne, Jeff. Aujourd'hui, elle reste dans un entêtement. Elle est décidée à maintenir sa position. Donc ça va être un petit peu difficile. Je crois que c'est la première fois qu'elle est aussi dure avec toi, hein, quand même. Oui, si ce n'est la fois qu'elle m'a frappé dessus. Ouais. Écoute, il y a des sentiments entre vous, donc elle va céder et vous avez la possibilité de reprendre la relation, mais à toi de faire quelques efforts quand même. Et ensuite, vous avez prévu de partir ou de faire un déplacement sur quelques jours ensemble qui doit s'annuler? Non, du tout. Par contre, il y a une personne sur Facebook qui m'a rajouté un compte bidon et je crois bien que c'est elle, en fait. Ok. Bon, pour moi, elle a des soupçons sur toi. Ouais. Et il semblerait que vous allez vous revoir. Il y aura un déplacement qui sera en prévision de quelques jours, ou en tout cas pour essayer de vous retrouver. Ouais. Et c'est délicat, enfin c'est compliqué un peu votre histoire, hein, parce qu'elle est quand même, c'est un peu en dents de scie, hein. Donc il y a encore de l'espoir, mais je ne vois pas un avenir lointain ensemble. Ouais, ok. Bon, bah voilà, Jeff, tu reviens quand tu veux, ok, dans l'émission, mon pote. Ça marche, merci. À bientôt, Jeff. 02 851 4x0 pour faire comme Jeff. Pour poser votre question à Alex D, qui est avec nous, notre voyant médium. Comme chaque jeudi soir, Du coup, on va pas pouvoir se la faire, la spéciale voyant. Excusez-moi. J'ai Eric qui est là avec sa meuf qui est en train de se rouler des patins. Mais putain, un peu de décence, prenez une chambre, sans déconner. Ah non, je sais que ça allait être. Ah, tiens, attends, Alex. Eric, donne ta date de naissance. 4 juillet 79. Voilà, il a dit 4 juillet 79, si tu comprends pas, c'est normal, il est bourré. 4 juillet 79. Est-ce que ça va durer avec sa nouvelle compagne? Sa nouvelle, ça fait déjà des mois, hein. Ouais, mais c'est encore neuf, c'est encore tout frais. Ça fait combien de temps? 6 mois? Un peu plus là, 8 mois, je crois. Un an? Ah ouais? Ah mais oui! Ah oui, c'est vrai. Ah oui. En fait, ah oui. Elle était remplaçante avant d'être titulaire, on va dire. C'est ça. À un moment, il était à cheval, en fait. C'était Equidia, le mec. Alors, Alex, il te faut peut-être la date de naissance de sa compagne? Oui. Alors, 21 décembre. Non. Eric, tu le donnes. J'écoute. Non, Eric. Quoi? 21 décembre, elle est née quand ta meuf? C'est 28, je peux dire? Ouais, c'est bah oui. Ah, c'est non, mais je voulais savoir si t'en souvenais, parce que généralement c'est piège pour nous les mecs. 78? 78? Ouais. Putain, et il a 45 ans, elle ne sait pas. Elle est super bien. Qui s'est pas compté. On se calme, s'il vous plaît. Alors, Alex. Écoute, non, c'est bien. Il y a de la continuité. Il y a. Ouais, ça va durer, mais après, il y a un problème de stabilité chez Eric là. On est d'accord. C'est-à-dire. Tu te lasses souvent de. Tu te lasses souvent, Eric? Je me laisse? Souvent. Ouais. Écoute, après trois gosses, ma dernière, ça fait 20 ans que j'étais avec, donc je me lasse assez souvent, mais tous les 20 ans. Voilà. D'accord. Alors, ouais, ok, donc c'est pas. Par contre, il se lasse souvent de radio, hein, il tient pas plus de 2 mois, le gars. Il a bossé avec nous 2 mois, Eric. Donc, pour toi ça va rester, ça va durer. Mais sur les histoires, je te parle pas de celles que tu as eues pendant 20 ans, celles que tu as eues là avant ton ami actuel. Est-ce que tu as eu des histoires où tu t'es lassé ou si t'en as, il y a une série de personnes auparavant? Il a foutu sa bite un peu partout. Alors, une petite centaine de personnes avant. Non, il y a rien eu. Non, j'ai cumulé les deux en même temps pendant quelques mois. Ouais. Oui. Et puis voilà. Alors si vous débarquez sur Fun Radio, c'est pas Serge Gainsbourg qu'on en interview, c'est Eric. Non, c'est Renaud. Sans déconner. Je me demandais si j'avais pas payé mon abonnement Canal+. Laissez finir la prédiction à Alex, il ne s'en sort pas. Bon, en tous les cas, Eric, pour moi, il y a de l'espoir de continuité, donc ça c'est bien. Et mais je maintiens à dire que tu peux avoir tendance un petit peu à être dans une routine, dans un quotidien qui risque de te lasser un peu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la relation s'arrêtera. Donc c'est positif. Il a encore mis le doigt sur quelque chose, parce que Eric, c'est vrai que tu te barres souvent comme ça à l'improviste en vacances et tout, c'est que t'en as marre du quotidien. Ouais, non, c'est vrai. Fort ou pas? On essaie de trouver un plan 4 là pour le moment, pour essayer de changer un peu le quotidien. Un plan 4. Un plan 4. Zezel. Oh putain, si. Oh putain, ouais, si. Excusez-nous, hein. Minute 36, fin de saison, on ne respecte plus aucune règle de la radio. On se calme, s'il un peu de calme. Alors Zezel, Eric, tu connais, c'est ton remplaçant en fait, celui qui était là à ta place avant. Ouais. Check. Bien. Voilà. Ouais, bien. Vous inquiétez pas, il y a aucune concurrence entre vous. Je vois que vous regardez en mode testostérone là, les gars. Ouais, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud. Sans déconner. Ouais. Et Eric recherche deux personnes pour faire un plan 4, sachant que Zezel nous a dit dans l'émission qu'il était libertin avec sa meuf. Exactement. Sa meuf lui a fait une surprise et l'a emmené en club libertin. J'ai pas vu sa meuf. Ah. Si, tu l'as vu. Mais tu la verras pas de toute façon, elle sera 4 pattes. Et elle est comment? Elle est blonde. À 4 pattes. Non, mais elle est bonne. Non, elle est bonne. Ouais. Ah, tu vois, ouais, Jimmy. Elle écoute. Ouais, elle est tellement belle. Écoute. Jimmy Cricket. Pas dans Pinocchio. C'est la personne. Avec des cheveux blonds, évidemment. Non, attends, tu sais quoi? Une belle robe bleue. Tu sais quoi? Tu vois Cameron Diaz? Non. Ouais. Okay. Eh ben, c'est pas elle. Oh putain. Non, elle est très belle, la copine Azézé. Ah, Cameron Diaz aussi, je sais. Il sera là demain en plus, Beatis. Non, mais de toute façon, on doit être à 4 à décider. Hein. Ah, il tend le micro à sa meuf. Ok, c'est mort. Ouais, ah, ok, ça va. Sachant que Gisèle, ils se sont fiés juste à ton physique, du coup, c'est très blessant pour toi. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave, hein, je reste sur Bellswing. Hein. Ça y est, il refait sa pub pour Bellswing. Putain, merde. Bon, minute 38 sur Fun Radio, la famille, vous débarquez 3044 sur l'SMS 02851 4x0, quoi. Intérêt à être efficace. Oui, je veux juste dire un truc, Zezel, c'est pas le drapeau de l'Autriche, c'est le drapeau de la Pologne. Voilà, le mec, il a quand même un problème avec les drapeaux, parce qu'en fait, là, il m'a imprimé les 8e de finale pour l'autofoot de tout à l'heure, et il est en train de noter les matchs comme si je savais pas déterminer des drapeaux, et il m'a mis le drapeau de la Pologne avec le nom Autriche, quand même. Le mec, c'est fort. Eric, il était aussi chiant, tu te rappelles ou pas au début de saison? Non, j'étais pas comme ça. Ouais, j'étais pas comme ça. J'ai pas vu grandir. Bon, au début de saison, je parlais pas. Minute 38. Quelle belle époque. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see, I don't attain. What I need for keeps, this silly game we play. Game we play. to run, but see, I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a beep beep. The girl he wants don't see no one in two. It seems the feelings that she had are through. Seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Bonne nuit sur Fun Radio. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Ça fait plaisir d'être avec vous, minuit 41 sur Fun Radio, 6 émissions avant la fin de la saison. Ça sera comme jamais. Jamais. Ça sera comme jamais. Jamais. Ah, parfait. Eric est avec nous, tiens, ancien stagiaire de l'émission. Le truc le plus rédhibitoire du monde. Oui, stagiaire, je m'y fais pas. Hein. Bah, ah ouais, excuse-moi, ancien standardiste. Ancien standardiste en chef de l'émission. Ça va bien, mon Eric? Je sais pas si Eric, c'est un des meilleurs souvenirs de la saison. Attends, fais gaffe, parce que là, tu parles à un ancien standardiste contre un vraiment bon standardiste. Non, mais ZZ, je le kiffe plus que tout. Il est invirable. Il est invirable, frérot, t'inquiète pas. Merci. Il y a de la place pour tout le monde dans cette équipe. Enfin, bah, je peux prendre 5 personnes ou Jus. C'est au choix. Mais bon, 5 personnes. Sinon, il n'y a plus de place. 5 personnes. Alors, attention. Eric, un des meilleurs souvenirs que j'ai envie de dire, je sais pas si vous vous rappelez. À l'époque, on faisait un jeu. Qui s'appelait l'Electro Game. Ah, putain. Et c'est-à-dire qu'en fait, Eric, bon, vous avez entendu un peu son élocution. Ah, et bon, nous, on se marrait avec son élocution tous les jeudis soirs. Oui. Et Eric nous lisait un texte d'un article et tout, genre Sud Presse, etc. Oui. Et à chaque fois qu'il faisait un bug, il avait une décharge. Oui. Et on l'a jamais raconté à l'antenne parce que c'est vraiment parti en couille un soir. Oui. Et un soir, comme c'est moi qui réglais les doses en fait. C'est moi qui réglais l'intensité de la machine. Et moi, j'aime bien pousser le truc à fond. Mais disons qu'à l'époque, t'étais pas vraiment conciliant vers nous tous, tu vois. Non, je vous aimais pas, je pouvais pas vous voir. Au bout de la troisième émission, je me suis quand même retrouvé à poil dans la rue, à côté des studios de Fun Radio. Donc t'étais pas vraiment non plus conciliant. Ah, au début, mais t'as changé. C'était chaud au début. Ah, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Ah, bah plein. Non, on se ramassait les poubelles sur la gueule. Tu rigoles ou quoi, Amandine? Amandine, je voulais verser une poubelle. Non, excusez-moi, c'est la fin de saison. On se fait des petites saisons nostalgie là. C'est vrai qu'Amandine, on avait fait la poubelle star. Oui. Elle avait mangé la pauvre, elle avait pris de la crème fraîche et tout. Elle malgré tout, elle est toujours fidèle. On l'embrasse, Amandine. Tiens, si on l'appelait, elle est à Miami là. On va l'appeler tout à l'heure. Non, elle a coupé son numéro. Ah, elle a coupé son numéro. Oui, elle a coupé son numéro. Elle a coupé son téléphone, je veux dire, elle est con bifi. Voilà, comme ça vous savez. Sérieusement? Oui. Ah ouais. Tu n'es qu'une putain. On s'en déconne. Et Eric, on avait fait l'Electro Game et un soir c'est voilà, t'étais de mauvaise humeur. Putain, c'est parti en. Je crois que tu venais de voilà d'officialiser la chose avec ta nouvelle meuf. Non, je sais pas, mais le truc était branché sur 220 quoi. Je me suis pris une drill, enfin une décharge. Il s'est pris une décharge de dingue. Et on a entendu un truc du style. Ouais. Et là c'était Eric qui se barrait en furie du studio. C'est ça. Qui m'a mis le dos dans la gueule. Oui. Il a été très violent ce jour-là. J'ai pas eu peur, mais j'ai eu peur de le défoncer quoi. D'ailleurs ça m'étonne quand même que ça rentre dans tes meilleurs souvenirs. Parce que alors qu'on a bien rigolé. Je me demande qu'est-ce que les pires souvenirs avec toi quoi. Parce que là. Avec le recul c'était marrant. Ouais, avec le recul, j'ai un autre très bon souvenir, c'est quand Jonathan s'est barré sans rien dire. Ah putain. Voilà, c'était bon. trois fois. Ouais, trois fois tu l'as fait. Ouais. Bah, c'est quoi ton meilleur souvenir de la saison? Enfin, t'as fait combien de temps? 3 mois avec nous, Eric? J'ai fait 6 mois quand même. Ah, t'as fait 6 mois? Non, ah, 6 mois. Non. De septembre à octobre, ça fait 2 mois, Eric. De septembre à octobre. Non, j'ai fait 1 mois et demi. Arrête. J'ai fait deux semaines. Les 2 mois les plus importants, parce que c'était les 2 mois les plus difficiles, c'était les 2 premiers mois de l'émission. Ah putain, c'est chaud. Ah, c'est chaud. On est tous donc en fait, sur les dents. En fait, t'évites ma question, t'as pas d'excellents souvenirs. Tout était bon, vraiment. Surtout quand on est parti à Amsterdam. Ouais. Là, c'était. Ah, c'est vrai que les off, c'était pas mal. Voilà. Ah, les off, c'était bien. Amsterdam, c'est pas mal. C'est quand même là qu'on rigole le plus. C'était pas mal. C'est une bonne soirée. Ce qu'il kiffait, c'est pouvoir avoir une bouteille de vodka par soir d'émission, en fait. Franchement, je pense que je vais faire un référendum là pour jeudi prochain. Ouais. Je vais commencer à y bosser à partir de ce soir, dès que je rentre, et je vais faire un référendum sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Et je vais ressortir des dossiers, je crois. Ouais, c'est ça. On en reparle tout à l'heure. Il y a Drake qui arrive dans quelques instants sur Fun Radio. On va se faire One Dance. Alex, dès notre voyant qui est avec nous. Excuse-nous, Alex, hein, c'est le bordel. Hein. Non, je vous en prie. 02 851 4x0, pardon, pour poser votre question à Alex. Et puis la page Facebook également, Alex des coachs de vie. Alex, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, frérot. Oui. Il y a ton concurrent qui est là. Bonsoir, monsieur Le Hadj. Alors attendez, Le Hadj, je vous montre tout de suite le son sur la machine qui est comme chaque soir baissé. Hop, je fais ça. Le Hadj. Bonsoir. Oh, il a changé de voix, Le Hadj. Il y a du progrès quand même. Hein. Non, je parce que vraiment, je suis content. Vous êtes content? Ouais, non, je suis content. L'Irlande a gagné. Ah, c'est vrai. Et vous êtes irlandais, Le Hadj? Non, c'est parce que j'aime la Guinness, tout simplement. D'accord. C'est vrai qu'en Belgique aussi, on fait de la bonne bière et vous n'avez pas salué la victoire des Belges. Oui, mais ça ne vaut pas la Guinness. Ça ne vaut pas la Guinness. Ça a discuté, j'entends. Non, je bois pas de bière. Non, spécialiste des bières, Eric? La Duvel. C'est bon, la Guinness. Je bois pas de bière, moi, je bois l'alcool. Voilà. Il boit de l'alcool. Il boit de l'alcool à 90 degrés, tu peux m'allumer ton barbecue avec, ça passe. Tu vois. Il boit du white spirit, le gars, directement. Bon, Le Hadj, vous êtes là également pour donner votre opinion à vous, pour contester éventuellement ce que dit Alex, même si souvent c'est plus Alex qui a raison que vous, mais bon, pourquoi pas. De temps en temps, vous pouvez avoir raison, Le Hadj. Il y a Laura qui est là. Bonsoir, Laura. Hello, Lelotte. Bonsoir. Ça va, Laura? Ça va. Tu es sûr que c'est la première fois dans ta vie qu'il y a quelqu'un qui t'appelle Lolotte? Non, ma mère m'appelle comme ça. Ah, c'est mignon. Ah, ça me rassure pas. Laura, tu m'appelles de quel endroit en Belgique? Gansoren. D'accord. Et tu veux poser une question à Alex D qui t'écoute? Oui. Savoir comment ça va se passer. Enfin, si je vais trouver quelqu'un de bien pour plus tard, quoi. Okay. Parce que là, c'est le bordel, quoi. Ok. Donne-moi ta date de naissance, Laura. 3 mars 2000. 3 mars 2000, hein? Ouais. Écoute, tu n'es pas dans une mauvaise période de rencontre. Ensuite, on dirait que tu ne vas pas dans les bonnes... comment je veux dire, c'est les personnes qui peuvent être intéressantes pour toi, tu ne les vois pas et tu vas t'intéresser à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des relations pour toi. Tu fais des mauvais choix jusqu'à présent. Hein. Mm-hmm. Il semblerait que tu es en train de changer autour de toi ton réseau, tes relations. Ouais. Donc il y a un changement au niveau relationnel et ça va t'amener à la possibilité d'une rencontre. Il y a quelqu'un qui fait soit beaucoup de sport ou en tous les cas qui est très dynamique et il a un côté, je dirais, d'activité physique très prononcé, avec qui vous aurez un lien et la possibilité donc d'une relation, et c'est une relation qui va pouvoir durer. Pour moi, la rencontre se fait dans les 3 mois à venir. D'accord. Mais ne désespère pas et continue à essayer de rencontrer de nouvelles personnes, à échanger. Peut-être que tu fais toi une activité sportive? Oui, je vais à la salle. D'accord. Donc c'est peut-être par ce biais-là que tu peux rencontrer cette personne et ça sera une très belle histoire et ça vous permettra ensemble de pouvoir vous aimer et vivre quelque chose de très beau. Ok. Bah, c'est ce qu'on fait en tout cas. Ouais. Bah ouais, Laura. Un petit sourire, Laura. Ouais, un petit sourire. Bon. Bisous, Laura. Attends, je sais pas si Le Hadj a un truc à te dire, Le Hadj. Moi, vraiment, je peux compléter ce que Alex D dit. Je vais même dire précisément quel sportif elle va rencontrer. Alors, allez-y. Oui, elle va rencontrer Franck Ribéry. autour d'un petit, voilà, un petit événement fait par la MAC à trois bandes. Hein. Donc tu vas rencontrer cet homme-ci. En plus, tu as l'âge adéquat. N'importe quoi. Bon, d'accord. Merci, le Hadj. Ça commence fort ce soir, le Hadj. Hein. Oui, oui. Doucement, doucement. C'est ça. Faites doucement, faites doucement, monsieur Tamola, les gars. Allez, minute 49, on passe à autre chose. Bisous, Laura, à bientôt. A plus, je te repasse au radio standard, ma chérie. Dylan sera le prochain, passe à la voyance. 16 ans à Liège. Bonsoir. Hello, Didi. Bonsoir. 99 FM, la fréquence pour nous écouter. Big up aux Liégeois, Liégeoises qui nous écoutent. Ça va ou quoi, Dylan? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Content de la victoire des Diables? Ouais, trop. Eh ouais, frérot. Bon, t'as pensé quoi du match d'Eden Hazard? Tiens. Bah. Il a rien foutu. Là, ouais, voilà, il a pas foutu grand chose. Lukaku. Lukaku, il a poussé. Je te demande pas, toi. Ok. Demande à Jean-Michel. C'est pire que de la merde. Lukaku, ça, c'est sûr. Là. Ouais. Mais, ah, mais attends, comme... non, tu peux pas dire ça. Il a quand même marqué deux buts au dernier match. Non, mais ok. Mais ouais, il a marqué non, deux mais buts. C'est bon. Mais... On dit pas, il nous sauve un match et le match d'après, il est pourri. Non, mais tu lui as demandé ce qu'il avait pensé de ce match présentement. Ah, ouais, de ce match présent. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il a pas fait un grand match. Ah, c'est qui l'homme du match pour toi ce soir, Dylan? Pour moi, c'est N'Golan. Bah oui, c'est évidemment, forcément. Le buteur. Maître Kevin, l'homme du match pour vous? Oh, N'Golan, mais pareil. au-delà du but, franchement, il a ratissé des ballons, il a fait la colle au milieu, franchement, c'est un bon. Il était très très bon. Le match 8 belge. De Bruyne était pas mal ce soir pour une fois. Il y a Dries Mertens. Ouais, mais il croque trop. Bon. Merci les amis, bienvenue dans l'intégrale foot sur RMC. On retrouvera Jérôme Sillon tout à l'heure en direct du stade du Rodourou pour suivre cette rencontre à l'affiche, évidemment. Oui, Afghanistan, Pakistan, Jérôme Sillon, vous êtes là-bas. Oui, bonsoir, je suis un duplex actuellement, donc je suis au stade Roi Baudouin ici à Bruxelles. Je suis complètement... Et but à l'Orient, on retrouve Gilbert Bribois qui est là-bas. Gilbert Bribois. Oh le but à l'Orient. Oh le but de Romain Bar-le-Duc. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Oh là là là là là là là là. C'est exceptionnel. But au Parc des Princes, but. C'était le but complet. On est trop heureux ici. On est au stade Vélodrome. Vélodrome, je répète, le V, le E, le L, O. Et on retrouve Florian Janton qui est au stade de la Mosson à Montpellier. Et le but de Romain Dubois qui marque donc ce petit but, petit frappe en petit filet. Oui, Romain Dubois, magnifique, c'est le troisième but montpellierain. Et Loulou Nicolas a sorti le cochonou, ça veut dire que c'est la fête ici au stade de la Mosson. Voilà, la soirée continue évidemment sur RMC Intégral Sport. Et tout à l'heure, nous on ira faire un tour du côté du patinage artistique avec évidemment des chances de médaille pour la France. Chances de médaille bronze avec Louis Brokowski qui a des bonnes chances de médaille. Évidemment, il y aura des chances de médaille et le triple loot se piqué de Louis Brokowski est attendu sur la patinoire Bundesanskrishki ici en Russie. Voilà Louis Brokowski, bien sûr, qui est l'une des plus grandes chances de médaille dans ces championnats du monde de patinage. Ça bouge, artistique. Pardonnez-moi de vous couper, ça bouge en hockey sur gazon. Allô, ça bouge en hockey sur gazon. Ah, ça bouge en hockey sur gazon. Il y a Katrina Topolski à Coach Willeman qui est occupé de. Je peux plus, je ne tiens plus l'accent. Je ne tiens plus l'accent, là je vais partir en plombier. Quelques problèmes relatifs à l'accent. Le Portugal qui est pas loin également de décrocher une médaille au niveau curling. On retrouve Jérôme Sillon. Oui, le Portugal avec Conchita Wurst qui a mis un très très beau coup de balai. Ici on l'a vu, hein, normalement au-delà des 30 mètres, généralement les Portugais ont un petit peu du mal. Mais cette fois-ci Conchita Wurst a eu le coup de rein nécessaire pour pouvoir pousser le palais au fond. C'est magnifique ce qu'on vient de voir ici à la patinoire Gluck ici aux Pays-Bas. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Voilà. Allez, on va passer à autre chose quand même. Bon, je pense qu'on peut faire ça pendant 3 heures. J'avais un duplex avec ma gloire si vous voulez donc. Fini 52 sur Fun Radio dans quelques instants. Donc la suite des questions pour toi Alex, donc avec Dylan, avec Gurvan également qui veut te poser une question. Vous tous et vous tout en direct au 02 851 4x0. On part tout de suite au Staples Center de Los Angeles. Drake quand on trouve là-bas. Yeah, one in there, one dance. Je pense que chaque délire a une fin et celui-ci vient de trouver sa fin. Bonne nuit à tout le monde, c'est l'Open Space. 6 émissions avant la fin de la saison, ça part en vrille totale. Voici Drake One Dance. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One

kiffe cette musique. Ah, qu'est-ce que j'aime bien. Non mais je veux l'écouter un petit peu. Attends, comme attends, ça. Écoute-le encore, 10 secondes. Non, j'aime bien, parce qu'on va, on part en vacances, donc mais c'est moi qui fais 2 secondes là. Bah moi je prends le bed dans mes bagages, hein, perso. C'est l'Open Space sur Fun Radio. Ni fini connu, t'as vu on ça sait, on sait plus Minuit 59, on est en direct évidemment avec vous tous et vous toutes qui débarquez. Le numéro pour nous appeler c'est le 02 851 4x0. On est en pleine voyance avec évidemment notre ami Alex D qui est là. C'est l'avant-dernière pour Alex. Ouais. Et ouais, tu vas faire quoi cet été toi Alex, putain? Je vais en Espagne. Ah c'est cool, tu vas acheter un château? Je l'ai déjà. Ah ouais? Oui. Ah ça rapporte la, je la voyance. Je vous invite tous à venir au château. Ah c'est où? Ah non mais c'est calé parce que je sais que j'ai rien à faire pour les vacances moi. Je vais venir vraiment Alex, hein. Avec Jonathan on vient, avec Coralie aussi. Dis-moi c'est où, Malaga, Barcelone? Ah bah non, Coralie elle va faire le morning. Marbella. Ah Marbella, c'est pas mal, il y a plein de gens joyeux à Marbella. Très bien. Voilà. C'est comme à Mykonos en fait, mais c'est en Espagne. je vois ce que tu veux dire. Très bien. Bon, tu te sentiras comme un poisson dans l'eau moi Jonathan. Oui bah plutôt comme une truie dans l'eau mais oui. Bon, voilà. Quelle salope, putain. Arrête. Sans déconner. Bon, il y a le Hadj évidemment qui est là. Vous faites quoi le Hadj, vous, pour les vacances? Je rentre au Cameroun. Mais vous êtes où là, actuellement? À Paris. Ah, vous êtes à Paris? Ben venez nous voir. Ouais, non, si Dieu le veut. Vraiment, j'ai un emploi du temps vraiment serré, quoi. Mmh. C'est vraiment, je ne suis pas apte à vraiment venir en Belgique. Ouais, c'est ça. Bon, bah, il viendra. Dans quelques instants, la suite du son Dance Floor, c'est Café Del Mar. Ah bah tiens justement, Café Del Mar, ça se trouve au Mike. À Marbella. À Ibiza, pardon, oui. Ah oui, Ibiza. J'ai oui, pas entendu ta question. Café Del Mar, c'est bizarre. Moi, je sais que je ne t'écoute jamais. Alex, des questions pour toi avant de faire le fucking juste prix. J'ai un tu préfères aussi à vous faire faire dans l'équipe. Et Gurvan. Attends, Dylan, il est passé Dylan ou pas? Je suis perdu, Coralie. Dylan, tu as posé ta question? Oui, parce que j'avais dit Didi. Non, pas encore. Non, tu n'as pas encore posé ta question, c'est ce qui me semblait. Je t'avais accueilli, mon Dylan. Bon, Dylan, ça c'est en Liège. Vas-y, pose ta question à Alex D qui t'écoute. C'est pour voir, en fait, parce que je commence à jouer avec le Real Hazard à Rotin. Et c'est pour voir si je vais continuer à jouer avec un club de foot. Un club de foot, ok. Et c'est pour voir si je veux, Dylan. S'il te plaît. La date de naissance. Le 11 du 4 2000. C'est pas mal, hein. C'est bien, c'est bien, t'as de bonnes performances. Oui, pour moi, ça, tu peux continuer et intégrer une équipe et il y a une très bonne évolution dans ta réalisation sportive. Par contre, est-ce que dans 3 mois, tu as soit des tests à passer ou il y a quelque chose d'important? Non, à part la rentrée des classes que j'attends pas forcément. Mm-hmm. Parce que pour toi, dans 3 mois, tu auras une période qui sera une période charnière de décision. Mais en revanche, pour tout ce qui est côté sportif, tu vas pouvoir accéder à un niveau très intéressant, oui. Ah. Bon. Tu veux faire carrière, toi, Dylan? Ouais, j'aimerais bien. Tu joues quel poste? Là, pour le moment, je suis en libéro, dernier homme de la défense. Ah ouais, libéro, très bien. Un libéro, Maître Kevin, votre libéro préféré? Votre libéro. Bon, ça n'existe plus vraiment ce poste-là, mais avant j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup Paolo Maldini, quoi. Ah, évidemment la référence. Ouais. Alors, ça, c'est la base. Bah Dylan, merci en tout cas de nous avoir appelé et puis grande carrière à toi. Hein. Peut-être qu'on te reverra à l'Euro 2020 ou l'Euro 2024. Inch'Allah. Peut-être. À mon avis, on se souviendra de Dylan. Hein. Ah ouais, Dylan, ok. Bah, c'est quoi ton nom de famille, Dylan? Parce que tu sais, les joueurs de foot, on les dit par nom de famille, tout ça. Missetten. Eh bah très bien. Eh ben, on va noter. Il a un nom de joueur de foot en plus. Et on retrouve Messeten. Et le but de Messeten. Le but de Messeten au Roudourou avec Gilbert Bribois. Oh là là là là, Missetten, mais quel joueur de dingo! Oh le jackpot, messieurs dames! Le jackpot, messieurs dames! Missetten, un tir dans la lucarne! Ah j'adore! Oh attends, là là là! Excusez-moi de vous couper, on part tout de suite du côté du waterpolo où ça bouge des chances de médial pour l'Angleterre! Bonsoir, je suis en interview exclusive avec Vincent McDoom. Vincent McDoom, what do you think about this team? Bah c'est très bien. Je le pense que c'est très bien, le water polo. Il y a les garçons dans le petit slip de bain. On voit le gros kiki. Excusez-moi, parce que il y a John Le Roc qui bouge pour la lutte gréco-romaine. On retrouve évidemment François Gilbert là-bas. Oui, bonsoir. Oui. Alors, actuellement, nous sommes en pleine démonstration d'un match de curling. Curling qui se joue entre la pelouse et la terre battue. Oh, le revers de Muriel Dubois au badminton. Florian Janton. Quel revers de Muriel Dubois. J'ai jamais vu ça. Franchement, depuis Igor Ubekchlivax, on n'a jamais vu un revers aussi fort. Ça fait donc 2-7 à 0 pour Muriel Dubois, la joueuse belge qui fonce tout droit vers la finale du championnat du monde de badminton en simple. Évidemment, face à Céline Nadal, la sœur aînée de Raphaël. attention, ça bouge du côté de Philippe Ledrossu. C'est Philippe Ledrossu, évidemment, c'est de l'haltérophilie. Il va soulever 172 kilos, soit évidemment le tiers du poids de Maggie Debloc. Il est équivalent au poids de Jus. François Damiens. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bah oh, c'est bon, on arrête. C'est bon. On s'est plus dans les imitations. Un délire peut-être à reprendre tout à l'heure dans l'émission avant 2h du matin. Bisous Dylan, je te repasse Coralie, ok. Excuse-moi. A plus okay. Dylan. A bientôt et longue carrière à toi. Je crois qu'Alex il est au bout du rouleau ce soir, il nous suit plus. Non, ça va, je vous écoute. Vous êtes dans votre délire, c'est parfait. Il nous laisse tout seul comme des cons. Merci beaucoup Alex pour tes encouragements. Alex, tu penses qu'on va rester ou pas l'open space tech? On sait toujours pas, on a toujours pas eu la décision des boss qui font durer le plaisir. Ah, il est pas au courant, ouais. Ah, c'est pour ça que vous vous donnez à fond. Mais oui, vous allez rester pour moi. Je suis persuadé que l'année prochaine, on vous réentendra. Ok, d'accord. Écoute, on espère. On a eu un bruit de notre directeur d'antenne qui nous a dit de prendre notre pied. Il nous a dit de prendre notre pied, donc c'est ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai, il nous a dit ça. Et voilà. Et toi, tu prends pas que ça, apparemment aussi. Alors, Gurvan est le prochain. Gurvan, allô. Oui, allô. Allô, Gurvan. Tranquille. Ça va. Ouais, tranquille. T'as quel âge? T'appelles d'où, Gurvan? Moi, j'ai 17 ans, j'appelle de Waterloo, juste à côté de Moucron. D'accord, très bien. Et tu fais quoi? T'es à l'école? Tu passes des examens? Ouais, fini je viens de finir mon année scolaire, quoi, mais sinon je fais des études en boucherie, charcuterie, traiteur. D'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait. Sois le bienvenu, Gurvan. Et t'as une question à poser à Alex D, notre voyant. Une question à poser sur quoi? Ouais, bah ça serait en fait parce que je viens de me mettre en couple avec une fille et ça serait pour demander si ça va durer, quoi, s'il y aura quelque chose qui va stopper notre relation ou pas. D'accord. Parce que, allez, j'ai déjà eu plusieurs fois le coup et j'aimerais pas que ça recommence comme ça, quoi. Ok, bah ne bouge pas, Alex répondra à ta question dans quelques instants, vous tous et vous toutes aussi, au 02 851 4x0 par SMS au 3044, c'est 50 centimes d'envoi par message, et puis également sur le Facebook Mike Open Space, là c'est totalement gratos. On part au pentathlon, le pentathlon, et c'est, j'ai plus de nom, François Latour qui est là. Oui, le pentathlon ici, c'était très serré entre le Hongrois Chukchak et Monsieur Pandacourt. Mais en tout cas, on le sait que le Belge est très très fort, surtout dans le dernier coup de coulier. Il reste quelques kilomètres, hein, et pour l'instant, le Belge est toujours en tête de cette course de pentathlon. Merci, ça tire ou ça pointe, on file à Marseille, la pétanque, c'est avec... J'ai plus de nom, je suis au bout du rouleau les gars, Gilbert Montrisson. Eric Montpassant, bonsoir au Marseille. Bonsoir, actuellement. Je suis au BDR, les gars, sans déconner. On est en tir ou on est en pointe? Personnellement, je préfère tirer, je tire et je tire et je pointe. C'est d'un canard. Bon, la suite des JO de l'Open Space dans quelques instants. Voici Futuristic Polar Bears, Café Del Mar sur Fun Radio. Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. Merci d'être là, on est sur Fun Radio en direct jusqu'à 2h du matin, vous tous et vous toutes. Faites vivre avec nous la liberté d'expression d'Arlon à tourner, où que vous soyez, on fait ensemble la victoire des Diables Rouges au 02 851 4x0. Vive les Diables, putain quel match. On s'est fait chier. Ouais, on s'est fait chier jusqu'à cet éclair de génie. Non mais en plus le pire c'est le que le but est magnifique. Et même les commentateurs, enfin on a regardé sur la RTBF, les commentateurs étaient au BDR, mais au bout du ravin. Et ils étaient vraiment. Mais tu sais que ça change de la France, par exemple, parce que moi je l'ai regardé en France sur M6 et les commentaires étaient très joyeux. Oui, mais c'est parce que ils sont plus impartiaux, c'est-à-dire que la Suède ou la Belgique, bon, ils ont peut-être un avis. Voilà, ici quand tu regardes les commentaires en Belgique, les mecs étaient ouais. Bon et on se fait chier, il y a rien qui se passe. Et... Ah le but de Nainggolan. Voilà, c'est passé. Gladiator. Putain ouais, c'était voilà, c'est passé du tout au tout en fait. Un gros match. On part au pistolet, au tir au pistolet. Et c'est notre ami Damien Latour que nous retrouvons là-bas. Oui, pistolet, c'est le troisième jour. Hein, ici, tir au pistolet, et c'est le Français Hubert Flèche Pointue qui va essayer de remporter la troisième manche, même s'il a perdu les deux premières. C'est au moins pour finir sur le podium. Même si c'est vrai que El Pistoleros, comme on l'appelle, Colombien Pepito, qui est toujours en tête. En tout cas, voilà, le Français est toujours en place pour le podium. Et on suivra évidemment avec attention les résultats d'El Pistoleros et d'El Revolucioneros également. Qui passera tout à l'heure, évidemment, ce sera à suivre sur Fun Radio Sport. Cette émission est à Camoulox en fait. Hein? Non, mais je comprends pas cette émission, excusez-moi, ça part complètement en vrille. Et le pire, c'est qu'on est dans notre état normal, c'est ce que je suis en train de dire ça, en fait. C'est ça. Donc c'est le pire. Gurman, ça te fait rire, enfoiré. Bon, frérot, tu veux poser une question à Alex qui t'écoute, c'est toujours la voyance en direct pendant une petite dizaine de minutes, avec aussi Kelly qui veut passer tout à l'heure à Charleroi. Kelly passera juste après toi. Gurman, je t'en prie, pose ta question. Ouais, donc en fait j'aimerais savoir, parce que je viens de me mettre en couple avec une fille, et ça serait pour demander si ça va durer ou si ça sera comme d'habitude, que mon ex quoi devient chaque fois par la chose et que ça casse tout quoi. Alors quel est le prénom et la date de naissance de ton ami? De mon ami? Ouais. La nouvelle. Amandine. Et sa date de naissance, c'est le 8 avril 1997. Bon, écoute, il y a un bon démarrage. Il y a un bon démarrage dans votre histoire. Il y aura des remises en question. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une intention d'aller plus loin avec toi. Ensuite, je comprends pas par rapport à ton ex, pourquoi tu la laisses rentrer dans ta vie comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est, on va dire, mon premier amour. C'est oui. Avec elle que j'ai fait ma première fois et tout ça quoi. Et on peut dire que c'est assez récent que ça c'est fini. Et chaque fois que je me rapprochais d'une fille et tout ça, à chaque fois elle rattaquait, elle revenait vers moi, elle voulait se remettre avec moi. Et là en fait j'en ai eu marre, je l'ai envoyé chier on va dire. Mais j'ai peur quand même qu'elle revienne quand même pour rattaquer. Elle a essayé, je l'ai envoyé chier, mais j'ai peur qu'elle revienne quand même parce qu'elle est comme c'est ma première. Il y aura toujours un faible l'un pour l'autre quoi. Je suis d'accord avec toi, mais là, elle est en train de prendre le dessus sur ta vie. Et à chaque fois, la situation va se répéter. Donc à toi d'avoir un peu plus de courage et de t'affirmer et de pouvoir prendre ta vie en main. Tu as quel âge, Gurman? Moi, j'ai 17 ans. Ok. Mais tu dois absolument essayer de protéger ton destin affectif parce que pour moi, elle m'a dit, Amandine, c'est une personne avec qui tu peux avoir une bonne réalisation, mais si tu laisses encore cette porte ouverte, tu auras le même problème. Ceci étant, ne pense pas que avec elle, les choses se répéteront de la même manière que tu as pu avoir avec les autres filles. Amandine a une grande sensibilité et c'est quelqu'un qui est rattaché aux valeurs, soit de famille ou en tout cas c'est une sentimentale. Et pour moi, tu dois la protéger et non pas être dans ton passé. Donc sois dans ton futur. Ouais, bah moi là, je pense pas au passé, tout ça justement, je vis, je pense au présent, au futur. Mais si j'ai quand même la peur quoi qu'elle revienne parce que allez on va dire elle connaît mes points faibles sur ça et je sais bien que si elle reviendrait elle jouerait là-dessus, après moi j'essaierais de la repousser le plus possible mais ça fait peur quand même quoi. Je suis d'accord avec toi mais si tu me posais la question c'est que tu as une crainte et donc tu n'es pas sûr de toi. Donc, J'ai quand même une crainte. Ouais. Voilà. Et donc, à toi de décider de ce que tu veux de ton existence et de ne pas être un pied devant et un pied derrière, tu vois. Mais pour moi, Amandine, il y a quelque chose de positif. Mais attention, Gurvan, à ne pas mentir aussi avec elle. Parce que tu peux avoir mais je ressens que tu peux avoir une tendance à un mensonge. De toute façon, les filles, vous le savez toujours quand on ment. Les filles le captent toujours quand on ment. Enfin, Coralie n'est pas là pour le... Et où d'ailleurs, Coralie? Non, je sais pas, je crois qu'elle s'endort. Bon, Alex, je t'en prie. Donc, moi, je te dis que cette relation, elle est positive, il y a de l'évolution. Mais après, à toi d'en décider de ce que tu veux faire et sois un peu plus... sois mec, quoi, tu vois. Allez, je garde la tête sur les épaules, quoi. Je pense au futur et pas au passé. Oh, voilà, et c'est bon pour toi, donc c'est tout bon. Ça marche. Ben, un grand merci. De rien. Ben, avec plaisir, en tout cas, Gurvan. Merci, mon pote, d'être passé. Plein de bonheur avec Amandine, frérot. Salut, à bientôt, Gurvan. A plus, ma vie. 02 851 4x0. Vous pouvez vous inscrire déjà pour la voyance de la semaine prochaine, qui sera la dernière voyance en direct sur Fun Radio de la saison. En tout cas, je l'espère, puisque si on est re-signé, évidemment, Alex, tu remplis avec nous, évidemment, si tu le souhaites. Bien sûr. Ok, ça veut dire que là, il faut réfléchir. C'est-à-dire, il faut parler d'art. Il faut parler business. Exactement. Mais dis-moi, Mike, le maître Hadj, il sera toujours là? Ah oui, le Hadj, putain, je vous ai complètement oublié. Le Hadj, vous serez toujours là? Bah, je sais pas. Je ne vire personne. Je ne vire personne. Vraiment, vous ne connaissez pas vos priorités. Hein. Donc, la femme passe. Voilà, le Hadj, on oublie. Hein, on le laisse sur le bas-côté. Tel un plantain séché, c'est comment? Vous aviez quoi à dire sur Gurvan? Rien du tout. Bah alors. Merci. Merci beaucoup. Vous restez le Hadj la saison prochaine? Ah! Bon, vraiment, oui, je pourrais rester, mais bon, contrepartie, comment on dit? Financière. Voilà. D'accord. Eh ben, envoyez-moi un mail, c'est vince@funradio.be, ok? Allez. Je ferai ça. Merci beaucoup, le Hadj. Dans quelques instants, Alex, la dernière personne, c'est Kelly, elle est là avec nous au téléphone. Bonsoir, Kelly. Bonsoir. 26 ans, Carolo. Ça va ou quoi? Oui. Ça va et toi? Bah ouais, super, Kelly, t'as une question à poser à Alex D. Ça concerne quoi? Ton avenir sentimental ou professionnel? Ou autre chose? Mon avenir sentimental. Ah d'accord, très bien. T'es célibataire, Kelly? Oui, en fait j'en ai. Attends, bouge pas, bouge pas. De ton amour. Bonne nuit sur Fun Radio. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bons. On est là ensemble jusqu'à 2h du matin. Vous débarquez au 02 851 4x0. SMS 3044, il est 1h21. Ouais. Merci de nous avoir choisi. Alex Jermiz, c'est ce qui arrive dans quelques instants. Sweet Afterglow, il y aura un petit Usher aussi, un petit classique d'Usher jusqu'à la mort dans quelques instants. Et puis, si y a un son que vous voulez vous écouter, vous m'en faites la demande au 3044. C'est la fin de la voyance en direct. Alex, avant de te quitter, je rappelle d'ailleurs la page Facebook Alex D, coach de vie, pour prendre rendez-vous avec toi. Et je rappelle que tu fais des promotions intéressantes en ce moment, promotion à saisir. C'est jusqu'à quand les promos, Alex, sur les consultations? Jusqu'à ce que je l'aurai décidé. Ok, bah très bien, bon, allez-y là. On va dire pour quelques mois. Parfait, bah profitez-en, parce que en plus c'est vrai qu'au téléphone comme ça, Alex, tu peux prendre plus le temps d'aller en détail et donner du coup une voyance encore plus fiable que en quelques secondes comme ça à la radio. Kelly est là, 26 ans, Charleroi. Bonsoir Kelly. Oui, bonsoir, je suis là. Tout à l'heure, j'ai pas bien compris votre question, mais non, je ne suis pas célibataire, je suis en couple depuis un an. D'accord, ok. Comment s'appelle l'heureuse élue ? Claudie. D'accord, parfait. Alors, Kelly, tu as une question donc à poser, une question sentimentale à Alex, qui t'écoute, et tu es la dernière à passer à la voyance. Oui, ben bonsoir Alex. Bonsoir Kelly. En fait, voilà, je voulais vous demander, donc je suis avec quelqu'un depuis un an, et je voudrais bien savoir si ça va durer, si on aura des enfants ou pas, parce qu'on a quand même une différence d'âge. Et donc, voilà. D'accord, donne-moi ta date de naissance, Kelly. 21/10/1989. D'accord, et la date de Claudie? 31 janvier 1969. Oui, vous voulez avoir une famille, des enfants, c'est ça, tu m'as dit? Oui, enfin, moi j'en veux, lui il en veut pas. Ok. Écoute, tu arriveras à le dissuader à avoir des enfants. Ensuite, il y a juste un problème familial qui ressort. Non, mais c'est l'inverse. Lui, il en veut pas et moi, j'en veux, en fait. Oui, et c'est pour ça. Je dis que tu arriveras à le faire changer d'avis, à le dissuader. Ah, ouais. Il y a juste un problème familial qui ressort. Et on dirait qu'il y a une famille qui conteste un petit peu votre histoire. Ou qui peut s'opposer un petit peu, oui. Il y aura des petits problèmes d'ordre familial et j'ai l'impression que ça peut être de son côté. Maintenant, tu as rencontré sa famille, hein? Oui. D'accord. Donc, pour l'instant, les choses peuvent s'annoncer de manière positive avec la relation familiale, mais tu verras qu'il y aura des fragilités ou des problèmes, et c'est ce qui pourra créer des petits conflits dans votre couple. Ceci étant, il y a une véritable une relation ainsi que des sentiments qui sont bien là, et pour moi, vous allez aller plus loin dans votre histoire. Il y aura même au niveau de l'habitation, vous aurez une prise de décision d'ici quelques mois, soit changer de lieu ou à vous installer plus officiellement ensemble. Bah pour l'instant, on ne vit pas ensemble. C'est ça, mais tu verras que vous aurez la possibilité de vous rapprocher et de vivre ensemble, parce qu'il y aura un changement à ce niveau-là. Donc, il faut rester confiante et persévérer. Et aujourd'hui, par rapport à ce que lui pense et ce qu'il décide, il peut en changer de positionnement. Ok. Et alors, si c'est possible, je voulais te demander une autre question. Oui. Je voulais savoir, en fait, parce que je suis non-voyante de naissance. Oui. Et je voulais savoir si tu pensais qu'un jour, je pourrais voir. Voilà. Tu es totalement non-voyante? Oui. Tu as une capacité, oui. Ça m'est difficile de te répondre là. Franchement, c'est un sujet très délicat et je veux pas te dire n'importe quoi. Donc, soit c'est pas que je fais de la pub ou quoi que ce soit, soit on peut se parler de manière hors antenne, mais j'ai besoin d'être un peu plus dans des conditions un peu plus sérieuses pour pouvoir te répondre. Ok. Bon. D'accord, merci. Voilà, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec Alex, en tout cas, Kelly. Ok, ouais. Bon, je t'embrasse, Kelly, puis raccroche pas, je te repasse Coralie, je suis les coordonnées d'Alex, comme ça tu prends rendez-vous si tu veux une consultation plus en détail. Bisous, Kelly. Okay, merci, plein de bonheur pour toi, ma chérie. 1h26. Le Hadj, pardon, excuse-moi, le Hadj. Oui, non, vraiment, non. Pourquoi le Hadj est parti, Jean-Marie Le Pen? Non, du tout, vraiment. Hein, non, c'est parce que j'ai un peu un chat dans la gorge, j'ai vraiment un whiskas là. Mais non, vraiment, je voulais dire à Kelly, vraiment, courage. Vraiment. D'accord, parce c'était votre femme, prévision. Oui, là, non, la femme sera forte. Oui, Alex. Oui, c'est juste de dire à Kelly que le service sera gratuit pour elle. Ah, Kelly, ce sera gratuit pour toi, t'as entendu? Ah, c'est gentil en plus. Ouais, c'est super cool. Merci beaucoup. Bon, alors quitte pas, on te passe toutes les coordonnées d'Alex, ok? Ok. On te dit comment le contacter. Et puis vous tous et vous toutes hein, chez vous à la maison, allez faire un tour sur Alex D, coach de vie, la page Facebook, pour prendre rendez-vous avec toi, Alex, et pour avoir une consultation également personnalisée. C'est ainsi que s'achève la voyance de ce jeudi 23 juin. Oui, j'attends. On a encore besoin d'Alex pour un truc. Ah. Pour parier les huitièmes de finale. Ah oui, c'est vrai. Alors Alex, voilà. On parie juste les huitièmes de finale. Alors Alex, ça va être rapide. Je te dis et tu me dis ce que toi tu ressens, d'accord? Alors il fait comme nous, il donne le résultat aussi. Non, il va juste donner qui va gagner. Ok, bon d'accord. Donc on peut se baser là-dessus pour demain. Nous on va parier demain, mais aujourd'hui je te donne les 8 matchs qu'il y a. Donc le premier c'est Suisse-Pologne. Suisse. La Suisse pour toi. Pays de Galles, Irlande du Nord. Pays de Galles. Pays de Galles, Croatie, Portugal, ça va être chaud ça. Bon match, hein. C'est un peu, mais je fonds le Portugal quand même, en position de force. Ils peuvent faire match nul, mais il y aura des problèmes. Ah ouais, attention, le Portugal qui s'est fatigué ce soir, hein, ouais, maître Kevin. Les Portugais, putain, ils m'ont fait chier ces bâtards. Ah, mais frérot, j'ai parié 3-2 sur le Portugal, hein. T'étais pas loin du tout, hein. Alors, alors là, le match, je pense que c'est bon. France, République d'Irlande, c'est bon, là, ils sont. Bah oui, d'office, je pense qu'ils sont déjà en quart. Non, attends. C'est pas gagné, un match, c'est 90 minutes. Écoute, je crois que ce soir, l'Irlande a déjà battu son record. Là, je parle de la République d'Irlande, enfin bref. Allemagne, Slovaquie. J'ai un doute, mais alors. Je suis pas certain, je dirais l'Allemagne, mais je suis pas certain. D'accord, je mets une certitude. Il peut avoir un problème durant ce match. D'accord, alors tu nous avais dit que la Belgique ne passerait pas les 8e, et là il y a un gros match, c'est Hongrie-Belgique. Ben je le sens. Ah, tu le sens pour la Belgique? Donc finalement tu changes d'avis. Ouais. Donc la Belgique passe. Zézé, je suis désolé. D'accord. La Hongrie va perdre, mon Zézé, en tant que belgo hongrois. Non, il se trompe. Franchement, Alex, tu te trompes. On verra. C'était la répartie de Zézé. Mais non, mais je suis deg. Alors, je suis trop deg quoi. Je suis trop deg. Mais ouais. Et il y a Angleterre. Je m'en fous, je fais dans ma chambre, j'ai rien à foutre. Il y a Angleterre, Islande. Angleterre. Et alors là, Italie, Espagne. Gros match. Le plus gros match des 8e. On va dire que j'ai de l'espoir pour l'Espagne, mais ça va être compliqué. Mais je reste sur l'Espagne. Tu restes sur l'Espagne. Moi, je dis l'Italie au tir au but. Maître Kevin, vous dites quoi sur le match? Le reste, on le prend extra demain, mais ce match-là, ça m'intéresse. Je dis Espagne avec un plus 2 minimum. La défense italienne, comme ça, tu penses qu'elle va craquer total? Vas-y, avec ta défense italienne, les Irlandais, ils ont réussi à déverrouiller. Le catenaccio, frérot! Non, mais il a raison, Maître Kevin, il a raison. Ça n'existe plus, le catenaccio. Non, je te dis, vraiment, tu verras, l'Espagne va gagner par plus 2. Ça, c'est sûr, les Espagnols ils sont trop vexés. Je vois un très gros match de l'Italie, moi. Les Espagnols sont pas mal au tir au but aussi, donc même s'ils font 0-0. Qui a perdu en plus l'Italie ce soir. Ouais, qui a perdu ce soir, je vous le dis. Attention au réveil de la squadra, même si les Espagnols ont aussi perdu. Ils avaient 5 victoires d'affilée. Attention, ça va être chaud. Non, on pronostiquera les matchs demain. Ça joue pas demain, mais par contre, on va avoir les résultats aujourd'hui. On va voir si le classement a bougé ou pas. Il y a eu 4 matchs aujourd'hui. Il a bougé. Merci mille fois. Alex, à mercredi prochain pour la dernière. Salut à tous. Yes. Et Alex, t'es dans le coin, t'es en BX, t'as BX bientôt ou pas? Oui, la semaine prochaine. Ah bah si t'es à Bruxelles la semaine prochaine, jeudi on fait l'émission en public avec les auditeurs et puis avec toutes les personnes qui ont bossé avec nous dans le Open Space, toutes les personnes sauf une, ok? Eh ben je viens. Non, sauf 4. Bah parfait, avec plaisir. Bonne semaine Alex, je te repasse Coralie, salut. Et puis Alex D, salut. Coach de vie, la page Facebook pour tous les renseignements. Le Hadj, de même. Oui, au revoir. Hein. Je ne vous convie pas parce que je sais que vous consommez un poulet, quoi. Ça va me coûter une blinde en KFC, ces conneries. Surtout qu'on n'a pas de KFC ici, donc voilà. Chicken Cottage, ça va y aller. Il n'y a pas la KFC en Belgique. Ah non, il n'y a pas. Non, on doit aller. La dernière fois, je voulais me faire un KFC, je suis parti avec Coralie jusqu'à Eindhoven. Ah non, jusqu'à Lille, pardon. Oh là là, ça ne va pas ça, hein. Ah ouais, c'est loin. Bon, bah voilà. Maître Kevin, le Hadj, donc bonsoir, bonne soirée. Au revoir, hein. Et du Hadj, je salue Maître Kevin qu'on a entendu. Partiellement. Voilà, partiellement. Bonsoir, Maître Kevin. Bonsoir, les amis, on m'a entendu par bribes. Exactement. Ça va, ça va. Y a qui ce soir pour jouer, Maître Kevin? Alors ce soir, je suis rentré sur le tard, donc ça va être fils de pub, les amis. Fils de pub. Très bien. Et t'es au courant qu'il reste plus que ces émissions? Donc tu vas tout me donner quand même, Maître Kevin. Bah, tu vas tout me donner. C'est une expression ou quoi? Mais t'as compris. Bien avant l'envie. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Donc il va tout donner dès lundi. Lundi, je veux quoi? Tiens, attends. Laisse-moi me faire kiffer. Je veux du B2OPAF lundi. Le rappeur invité okay. Ministre est avec des nouveaux personnages et des personnages 100% belges. Amien, vous voulez quoi mardi? Moi, j'aimerais bien Momo Le Perse. Non, c'est moi, Momo Le Perse. Ah, mais son cousin alors? Non, bah non, on peut pas, on freinera ça la semaine prochaine. On freinera ça. Alors, je veux Jean-Mich 80, je kiffe Jean-Mich 80. Jean-Mich 80, très bien. Je veux également. Comment il s'appelle le rebeu là? Cheb. Comment? Cheb Carlouche. Cheb Carlouche. Le Cheb Carlouche la semaine prochaine. Et jeudi, vous me faites un combo. Ah ouais, ah ça, ça va être magnifique. Ouais. Jeudi, ah oui, vous me donnez tout ce que vous avez, hein. Évidemment, hey, frérot. De toute façon, les dernières c'est forcément des combos. Hein, on prend le meilleur, on fait cocktail Tom Cruise, tac tac tac. Mais non, non, balance. Ça veut pas dire que tu me fais un best-of de tes chroniques, frérot. Ça veut dire que tu manquerais des nouveaux avec des personnages, quoi. Tu me fais le meilleur. Casse-toi la tête au moins une fois, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, au moins une fois, ça va. À la base, je devais pas bosser. À la base, on devait m'écrire mes trucs. Après, ça s'est modifié. Ah ouais, c'était Jonathan qui était censé écrire la dose. Il a écrit ça 2 semaines, je crois. Et ben finalement, quand j'entends ceux d'aujourd'hui, j'aurais dû continuer. En fait. Pas sûr. Non, pas sûr. Il est génial, Maître Kevin, bien sûr. 1h33 du matin, bah, bosser avec lui. Alors, il y a quelques instants, Usher qui arrive, mort sur Fun Radio. Et voici Alex Dumont. Usher est mort? Non, non. Usher va très bien, je vous rassure. Voici, il va mieux d'ailleurs, Lil Wayne. Ah ouais, Lil Wayne, il est bien là. Mike Open Space sur Fun Radio. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming out more and more, 'cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Know you've been patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher. I'm the closer, winner. Best when under pressure. With seconds left, I show up. If you really want my in the air if you want more and more, 'cause I can break, feel it, I go hard, can't stop, but if I stop it, just know that I'ma bring it back, hey. Never quit, no believing that, oh, oh, you've been patiently waiting, I know you need me, I can feel it, I'm a beast, I'm an animal, I'm that monster in the mirror, the headliner, finisher, I'm the closer, winner, best when under pressure, with seconds left, I show up. Direct 1h40 du matin, merci de nous avoir choisi les amis. Il y a David Guetta, l'hymne de l'Euro 2016. Ouais. This one for you, c'est pour fêter la victoire des Diables Rouges dans quelques instants sur Fun Radio. L'un des sons qu'on a été les premiers d'ailleurs dans toute la Belgique, dans toute la Wallonie à vous jouer. Il y aura Souf aussi tout à l'heure avant 2h du matin. J'ai du Benny Benassi de Calais. Du maître Kevin évidemment. Oui. Qui est là. Ah oui. Ah oui, la famille, 6 émissions avant la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est bien, et ça j'adore, 6 émissions avant la fin. Tildien, ah oui, Tildien. Nico, c'est pas lui, c'est pas bien. Mais si, c'est les vacances. Bah non, c'est les vacances, c'est les vacances. Ah oui, j'adore. Ah ouais, c'est bien les vacances, mais c'est bien en 2 semaines, quoi. Tu vois, au bout de 2 semaines, je vais pleurer toute la journée. On va trouver vous allez manquer tout cela. Déjà, c'est vrai que c'est long. Hein. Ah putain. Ça va être très long. Ah, 2 mois, c'est long. Mon déménagement. Si on revient en septembre, ça va, quoi. Oui, ça va. Mais mon déménagement va prendre au moins 2 semaines, donc je compte sur toi. Ah bah c'est tous bon, les jours à 7h du matin, tu viens me déménager. Parfait, bah genre un autre à foutre de toute façon. Quoi qu'Alex nous a invité dans son château en Espagne. C'est vrai. Eh ouais les gars, on a des contacts dans l'open space. Si vous voulez venir avec nous d'ailleurs dans le château d'Alex D, notre voyant, bah vous nous appelez là, au 02 851. On fera des soirées voyantes, c'est tout trop 4 bien. Fois 0. On va se faire dans quelques instants fils de pub avec Maître Kevin et Xavier, 19 ans à Goslit. Et là Xavier Ouais. Hello. Ouais, ça va pas. Hey, salut. Attends, la Belgique. Ouais. Est-ce que tu saurais me fredonner l'hymne national belge? Bah bien sûr. Bah vas-y. Allez, je te laisse. Merci, bye. Je te laisse quoi, 4 secondes, allez 5 secondes parce que je suis gentil, pour juste me fredonner l'air. Coralie, tu le chantes avec moi? Si tu veux. Allez, allez. Coralie, attention. 3, 2, 1. Oh Belgique, oh. Attends, attends, j'ai pas calé, excuse-moi, je suis pas calé. J'étais parti là. Je suis pas calé. Il me faut un petit temps. Ouais, bah je vois ça. Alors, il y a les sons qui sont à revoir dans la machine quand même. Elle a changé quand même. J'ai tapé. Bon, voilà, merci. Mais bravo la victoire des Diables Rouges ce soir. Très beau match. Très beau match. Ça fait chier. Bah, l'essentiel, c'est les 3 points. Bah, si le match avait duré 10 minutes, ça aurait été un très beau match. Oui, en fait. Enfin, Xavier, tu permets qu'on fasse le loto-foot en attendant? Ouais. Vite fait, on va jouer avec Maître Kevin. T'as bien fêté ça frérot, ça fait plaisir. Et un pronostic pour le match face à la Hongrie, Xavier? Face à la Hongrie? Ouais. Bah... Fais attention à ce que tu 2-0. Dis. 2-0 pour la Belgique. Non, jamais, évidemment. jamais 2-0. Moi je te dis que je vois victoire de la Belgique. Je la vois mais face au tir au but. 1-0. Moi les cas, je les vois à fond. Et je vois un réveil d'Eden Hazard avec un but magnifique d'Eden Hazard. Je vous le dis, 88ème minute. 88ème minute, Eden Hazard va jaillir. Je vous le dis, vous verrez dimanche. Il y a Gérard. Hein? Non. Il y a Laurent. Oui. Bah Laurent, on le connaît, il est fort. Hein. Laurent Blanc. Laurent Gérard. Ah, je comprends, moi. Allez, je comprends. Allez, justement, on pronostique le reste des matchs avant de jouer avec toi, Xavier, avec Maître Kevin également. Alors, les matchs. Ah non, pardon, c'est les résultats. Oui, c'est les résultats. Oui, parce qu'il n'y a pas de match demain, donc les pronostics sera demain. Voilà, alors on va faire les résultats, c'est-à-dire que tout le monde a marqué un point, sauf Zezel, mais ça change le classement quand même. C'est-à-dire que. Il y en a qui ont eu les bons résultats. Il y en a qui ont eu les bons résultats, notamment sur la Belgique. Voilà. Mais moi, putain, le seum, j'ai dit 3-2. Toi, t'étais Portugal mal. Face à Hongrie, j'ai dit Portugal 3-2. Et c'était 3-3. Voilà. Putain. Bon, la Hongrie a marqué. J'ai cru pour toi. La Hongrie. Ah ouais, frérot, putain, j'y croyais aussi, je voyais deux partout là, je me suis dit c'est bon ça. La Hongrie a marqué le troisième point et puis ensuite le Portugal a égalisé avec Cristiano Ronaldo. Enfin bref, en troisième position il y a Coralie avec 14 points. T'as mis un point de plus. En deuxième position il y a toi et moi, Mike. 15 voilà, points. Inséparable. Et alors, Zezel n'a plus la première place tout seul. Il la partage avec Maître Kevin, vous avez 20 points tous les deux. Il a rattrapé son retard, Maître Kevin, mais ça c'est parce qu'il a donné le bon score sur quel match, Maître Kevin? Sur la Belgique en fait. Ouais. 1-0 il avait dit. Bravo Maître Kevin. Bien joué. C'est-à-dire que l'Islande avait marqué 2-1 et tout le monde avait pronostiqué l'Autriche et Maître Kevin 1-1. L'Hongrie, Portugal. Voilà. Attention, le loto-foot de demain sera déterminant parce que là après il reste plus que. Après la semaine prochaine ça se joue tous les jours Maître Kevin? Non, après ça va rejouer encore je crois, c'est week-end prochain. Parce qu'après c'est les quarts. C'est ça. Ah, donc là, c'est dernier loto-foot demain. C'est pas le dernier loto-foot, c'est l'avant-dernier. Il y aura un match mercredi, jeudi prochain, je crois. Donc pour la dernière. Mais moi, je te propose un truc, Mike. Ouais. C'est qu'à partir de demain, celui qui pronostique juste a 3 points et pas 2. Ouais, ça change rien. Bah, si, ça change que 3 points, voilà, c'est pas mal, c'est plus que 2. Non, 3 points sur. Si on pronostique, si on donne le bon score, c'est 3 points. Si on donne le bon score, c'est 3 points. Le bon score, c'est 3 points. C'est le bon score. Très bien. Le bon score, c'est 3 points. Et comme d'hab, si on donne l'équipe, c'est 1 point. Comme ça, ça va relancer un petit peu le suspense de ce loto-foot qui reste très serré. Donc, Zezel et Maître Kevin. Et je rappelle, le premier du loto-foot pourra choisir la destination de son choix, l'activité de son choix pendant une journée. C'est Bibi qui régale, c'est le boss qui régale. Les gars, je vous paye ce que vous voulez pendant une journée. Et on va où vous voulez. Voilà. Cocoon, Zezel, il veut qu'on aille au club libertin, frérot. On ira, y a pas de souci. Coralie, on va où? Dans un resto. Ah, tu m'avais dit Disney la dernière fois? Ah oui, c'est vrai, changer d'avis, c'est loin Disney en fait. J'aime pas la voiture. Ça m'arrange Disney parce que j'ai des entrées gratos. Donc ah ça bah m'arrange. Alors avec Disney, ça va. Mais, j'attends. J'ai besoin d'un t'aimes truc. T'aimes pas la France, t'as dit ? Non, je dis que j'aimais pas la voiture. Qu'est-ce que tu racontes ? J'adore la France. Moi j'ai besoin d'un truc, donc si on pouvait aller à Amsterdam, ça m'arrangerait en fait. Amsterdam, oh putain, parfait, ça m'arrange. Maître Kevin ? Ah, franchement, je sais pas. Bah frérot, c'est déjà compliqué pour le capter une fois dans l'année, alors tu vas me dire. Ça m'arrange, mais j'ai pas réfléchi. Ouais, j'ai pas réfléchi. Bah réfléchi. Oui, je sais ce que je fais. Mais ouais, non, là y'a rien qui me vient. Ah, qui vient. Un truc d'excitant comme ça, non. Bah ouais, je sais pas, un match. Je lui paye un match au parc par exemple. Mais je vais au parc, je vais pas dire quand je veux, mais j'ai la facilité d'y aller, c'est un plaisir. Ah bah c'est toi qui vas me payer un match alors frérot. 1h47 du matin, j'attends ça maître Kevin. Xavier, on va jouer à Fils de Poub, ne bouge pas frérot, juste après le son de David Guetta. This one for you, les Diables ont gagné ce soir. Xavier, un petit chant de supporter frérot. La la la la la la la la la la la la la. Huitième de finale. Merci Xavier. Come on, come on, come on, Belgium. So let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let the moment drown our whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. We stand. Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro UEFA 2016. Ouh. Allez les Diables, ce sera contre la Hongrie dimanche. Une galère, appelez l'Open Space. Go. 02 851 4x0. Mais soyez bon. Hongrie, on t'en... Non, je déconne. Non. Capitale de la Hongrie, Mike. Budapest ? Oui. Facile. Ok. Facile. Ça peut se tromper parce qu'il y a Bucarest aussi, tu vois. Capitale de... La... Non, la Suède c'est trop facile. La Norvège, facile aussi. Oslo. Évidemment. Ouais. Zezel, Ukraine. Je passe. Kiev. Kiev. Ouais. Kiev, évidemment. Coralie, capitale du Portugal. Lisbonne. Voilà, facile. Maître Kevin, capitale. Capitale du Luxembourg, Maître Kevin. Oh, c'est dur ça. Luxembourg. Ah oui. Ah oui, c'était dur. C'était une question piège pour Maître Kevin. C'est parce que je sais qu'il a été en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Alors, Xavier. Xavier, ouais. 19 ans, Gosli, on va jouer ensemble. C'est quoi la fréquence pour nous écouter à Gosli, Xavier? 103.5. 103.5, on vous big up. Fréquence Charleroi. Évidemment. Alors, frérot, on va jouer avec Maître Kevin. Attention, tu vas pouvoir repartir avec du cadeau Fun Radio avant d'écouter le son dance floor de Souf. C'est Mea Culpa, pardon, qui arrive. Il y aura Benny Benassi et Chris Brown aussi, Paradise. Juste avant 2h du matin. J'ai tout donné sur l'émission. Ah, je crois que là. Là, je suis BDR. Alors, ouais, attention. On l'a fait debout en plus, l'émission aujourd'hui. Xababa. Attends, ouais. Attends. Ouais. J'attends, j'ai tout mon time. Coralie, t'es célibataire? Non. Quoi? Donc, c'est quoi cette question de ouf là? Mais pour que tu vas venir faire l'amour avec moi, tiens. Non mais frérot. Ou... qu'à gagner. Non mais Xavier, on chante comme ça. On est frères de foot maintenant, on a chanté un chant de supporter ensemble et tu me fais ça, tu me piques mon ex? Ou ma meuf? Je sais pas comment l'appeler, on est ensemble ou pas? On est ensemble, Mike. Depuis ce week-end, on est revenus. Bah pour m'arranger ces conneries. Mais tous les week-ends. Bah si tu veux, on peut se séparer et je vais. Bah ouais, on peut se séparer parce que je vois pas Ola demain. Eh ben, je vais avec Xavier alors. Ah, très bien. Ah bah voilà, Coralie, je vais te chercher devant le studio. Pas aujourd'hui. Elle a pas lavé sa chatte. Non, aujourd'hui je suis fatiguée. Non, elle a pas lavé sa chatte. Non, bah non, elle lave que le samedi et le mercredi et le jeudi soir. C'est pour ça qu'on fait l'amour que deux fois semaine. Voilà. Donc là, je vais te chercher samedi alors. Bah viens la chercher, ça me débarrassera le week-end. Hein. Je comptais pas te voir ce week-end. Hein. Ah tu comptais pas me voir? Bah juste t'es quand même un petit resto. Ouais, je vais t'inviter au resto vendredi, évidemment. Je me suis encore arrangé, etc. Et gentil comme je suis. Bah on va au resto à volonté en plus. Gars, je vais me péter les. Tu sais Zézé, tu viens? Attends, parce que... ouais. Zézé, il vient avec sa meuf hein, normalement. Hein. Ouais, normalement s'il y a la thune quoi. Ah, c'est bien. Tu sais que j'ai calculé combien ça me reviendra à peu près? Bah ouais. On arrive à plus ou moins 70€. C'est bon, tu m'invites. Bon, on y va pas. Mais si, on va. On y aller. Va pas. Si, on va y aller. Je te ferai des soupes chinoises à la maison. J'aurais bien proposé un ski veut lavabo. Mais... Je ferai. On va s'arranger, ça va. Je ferai passer 100 notes de frais, ça passe. Mike. Ouais, Xav. Peut-être je vais devoir me broyer aujourd'hui. Bah, broyer. Eh ben, bravo à toi, plaisir. Mon Xavier. Tu vas penser au match de la Belgique. Non, je pense à Coralie et hommage à la Belgique. Bah, c'est pas sûr. C'est pas sûr que tu bandes déjà. Est-ce que tu m'as déjà vu en photo? Parce que pour dire ça, j'en doute. Bah, je sais pas, ça dépend. Est-ce que tu l'as déjà vu sur internet? Est-ce que t'as un écran 16:9? Ah, il écoute que ma voix. Oh, t'es vraiment un putain d'enculé de merde. Je rigole, Coralie. Non, tu me fais chier, c'est la 10e fois. Je te l'ai dit, t'avais un peu grossi. Mais j'ai pas grossi du tout, j'ai fait que maigrir. Le problème. Mais bien sûr. Bah, pas des hanches en tout cas. Le problème avec la technologie actuellement, c'est qu'on voit des écrans maintenant qui sont en 4K, c'est-à-dire vraiment la meilleure qualité qu'on veut. On peut même voir sur un écran 4K, on voit plus les défauts dans la vraie vie. S'il a ça, ça va pas l'arranger le mec. Hein. S'il a une photo de Coralie, c'est... Bah, arrêtez, vous êtes méchant avec Coralie. C'est quand même ma meuf, on se calme. Ouais. Mais t'es pas gâté. À mon avis, juste avec sa voix, elle doit être bonne. Ah lui il est chaud bouillant lui. Ah, frérot, il est chaud là. Vite. Bon, Maître Kevin, expliquez les règles de votre jeu à Xavier. Alors c'est très très simple, je vais donc soit chanter une chanson d'une pub célèbre ou alors faire la pub célèbre et tu vas devoir retrouver la marque en question, tout simplement. T'as compris? Ou le produit, ça ira? Ouais, ok. Ok Xab, dans l'équipe aussi vous pouvez essayer de trouver chez vous à la maison 30-44. Audi sur le Facebook Mike Open Space, j'aimerais faire un canular. On va essayer de te rappeler là pour la fin de semaine, 6 émissions ou la fin d'émission. Et Maître Kevin, c'est à vous, fils de poub numéro 1. Une fraîcheur à toute épreuve. Ouais. Pour nous, les hommes. Voilà. Alors. Ah je l'ai. Tu l'as ou pas Xav? Gillette. Ah, Et c'était pas loin, c'est pas loin. Hein. Et c'était l'autre. Maître Kevin, c'est pas ça, on est d'accord? Non, c'est pas ça, c'est pas c'est ça. C'est pas ça, ça commence par un M, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors Xavier, tu l'as pas? C'est homme en anglais. Les hommes. Homme en anglais? Ouais. Boy. Non. Garçon, homme. Ça c'est garçon. L'autre. Homme pluriel. Bon frérot, c'était Ménène, c'est ça? Ménène. Ah, pour Ménène. Nous, bon, c'est pas grave, il t'en reste deux, Xav. Attention, Maître Kevin, on y va. Ça va être très très court. Attention, là, il faut être vif. Ouais. Igmar. Voilà. Alors là, Quoi? Ah, c'est pour la bande, c'est la bande originale de Babe le cochon. Alors. C'est un produit célèbre de l'équipe qu'on a battu. Je dis on parce que je suis un petit peu belge maintenant. Qu'on a battu aujourd'hui. Ah, c'est. C'est un produit suédois. Refaites-le, c'est un bruit de cochon, on dirait un peu. Hein. Ah non, Igmar. Ah oui, Igmar. C'est une commode à 4,95€. Xav, tu l'as ou pas? Ben, c'est un produit suédois. Bah oui. Mais. Ça se vend à Ikea, là, maître Kevin? Bah non, ça se vend non, dans c'est... les supermarchés, quoi. C'est un truc à manger? Ouais, c'est les bouts. Ouais, oui. C'est ça. Ah, il est fan, maître Kevin, il aime bien ça dans le couscous. Le cochon suédois. Mais non. C'est pas du cochon, c'est du poulet. Mais non, t'as pas parlé de Zlatan. C'est quoi, c'est maître Kevin? C'était les boulettes, c'est ça? Non, c'est Chris Prolls. Ah, les boulettes suédoises. Ah, Chris Prolls. Non, c'était Chris Prolls. Chris Prolls, c'est suédois? Chris Prolls. C'est suédois, c'est Chris Prolls. Il y a même le drapeau de la Suède sur la boîte. Ah, je sais pas, je pensais que c'était normand. Avec un nom pareil. Normand. Alors. Kevin, on est belge, on n'est pas suédois. Exactement. Oh, je sais que t'es belge, que t'es pas suédois, je le sais. Hein. l'accent révisé quand même. Non, mais encore un français qui fait l'accent, quoi. Ouais, c'est sans déconner. Toi, tu le fais bien, mec. Hein. Toi, tu le fais bien. Non, je le fais très mal, moi. Ah, tu le fais très, très moi, bien. Moi, je les saoule. Je vais pas le faire à l'antenne, hein, hors de question, mais je les saoule en antenne toute la journée. Je leur fais. Ah, putain, c'est sûr. C'est où l'accent? Parce que tu peux faire l'accent belge une fois. Tu peux pas faire 15 fois. Tu peux éventuellement faire 2 fois. Oui, bon, t'es deux comme fois, ça, c'est tentative. Bon, 2 fois, ça passe. Tu peux faire 3 fois. Ouais, 3 fois. Bon, t'aimes bon, bien mettre bon. Kevin, t'as envie de faire comme lui, de faire des imitations. Bon, 3 fois, ça passe. Pas 15. Non, pas 15. 4 fois également. 4 fois, oui. 4 fois. Voilà, Coralie, je la fais chier toute la journée avec ça également. J'en peux plus, je suis au bout. Le regard. Tu peux être au bout du rouleau une fois. Non, mais tu les fermes, tais-toi. Non. Tout le week-end, j'ai vécu ça. Tout le week-end. Ah voilà. Tué. Bon, allez, Xavier, son dernière pub à trouver. Ball crunch, ball flavor for the bold. Amen. Amen. Alors. C'est une marque d'apéritif américain. Oui, je sais. Xavier. C'est dur. Ça ressemble plus à un système d'alarme, ça. Maître système Kevin. D'alarme, t'as dit? Non, c'est pas l'alarme du tout. Non, non, c'est une marque de gâteau apéritif américaine. Non. Non, vous voulez que je donne la réponse? C'est ce que Maître Kevin a dit. Oui, c'est ça, ouais. Bah, alors, je sais pas, Zézel, tu voulais dire quoi? Moi, je pensais que c'est un alcool, en fait. Non, du tout. Bah t'as dit apéritif. Apéritif est égal à alcool. Non, oui. Gâteau. Ah, gâteau. Cupcake. Alors, maître Kevin, non. C'est quoi la réponse? Parce qu'il est déjà 2h du mat. C'était Doritos. Les chips Doritos. Ah ouais, très bien, c'est bon ça. Putain. Bon. Eh ouais les gars. Eh bah parfait. Bah Xavier, 0 points sur 3 malheureusement. Ça botte la fin de saison. C'est perdu. Bah c'est pas grave, j'ai foutu l'ambiance avant. Eh ouais, mais Xavier, comme la Belgique a gagné, cadeau Fun Radio pour toi quand même. Non, t'es gentil. Ah, merci. Eh bah bien, la Belgique a gagné, les gars. Ah, c'est le meilleur. Bisous mon pote, je te repasse Xavier. Marseille en tant que cul, certains déjà mis en pratique. 2h du matin sur Fun Radio. Voici souffle. Tout va bien dans quelques instants, JT déjanté. C'est mea culpa dans l'open space. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout caché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mea culpa. Mea qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. Avouer, à demi-mot pardonner, tous tes défauts. Avouer, à demi-mot pardonner. Mais c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mea culpa. Open Space, turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Je suis là fidèle au poste 2h03 du matin sur Fun Radio avec Jonathan, le talent, le oui. petit prince de la radio, Coralie, non, la roi. Princesse de Fun Radio également est avec ah, nous. Non, non, non. Quoi non, mais c'est non. La princesse. Mais attends, si je suis le prince et que c'est la princesse, ça veut dire qu'on est ensemble. Ben non, vous, bah vous non, êtes frère et sœur. Ah frère et sœur, donc ça veut dire qu'on est ch'tis. Non mais vous êtes frère et sœur. Okay. Bon, et bien voilà Coralie qui est notre princesse Fiona. Fiona. Je plaisante. Oh, Coralie, m'adresse même plus la parole. Mais je plaisante. Je ma ne chérie. Parle plus dans ton émission. C'est fini. Mais tu sais très bien. Mais toi et moi, c'est à la vie à la mort. Je Coralie. Je fais cadeau. Je ne parle plus dans. Non non, Coralie, c'est toi qui fais gîter. Non non, j'aime que quand c'est fait par toi. Non, Coralie qui fait. Je ne parle plus. Ah bah t'es très confiante pour l'année prochaine alors. Bon, écoute, t'es confiante pour l'année prochaine, Coralie. Oui, tout à fait. Eh bien, tu sais quoi, Mike? Ah bah de toute façon, elle suce tout le monde dans la radio. Non mais donc, j'ai elle, va faire, le morning avec Anto. Elle fait la libre-antenne avec Vince. Elle fait l'open space avec moi. Donc t'es sûr qu'elle a un taf, c'est sûr. Et moi j'ai une idée. Tu veux savoir qui tu vas garder l'année prochaine, Mike? Ouais. Demain on fait le dernier qui peut battre avec un auditeur pour ouais. savoir si tu gardes ton invincibilité pour la 10e fois. La 10e, on va s'arrêter sur un chiffre rond. Mais à partir de lundi, on fera le qui peut sucer Mike. Et quoi? Chaque membre de cette équipe. Non, je ne veux pas. Il y a quand même 3 garçons dans l'équipe et une meuf. Ah oui, bon, bah on fera un truc invraisemblable. Mais en tout cas, chaque membre de cette équipe devra t'écrire un texte. Ouais. Pour te convaincre que tu le gardes l'année prochaine. Très bonne idée. Voilà. Excellente idée. Très très très bonne idée. Maître Kevin aussi va écrire un truc. Ah ouais. Ah ouais, frère. Ah ouais. T'auras écrit au moins un truc cette année. Et voilà, dans ta gueule. Tu l'as pas vu venir celle-ci. Allez, je plaisante, maître Kevin. C'est le talent incarné. Ce gars-là, pas besoin d'écrire de toute façon pour être bon à l'antenne. Zézel, tu m'écris un truc? Bon, allez, bien, c'est bien parce que c'est toi. En plus, bah non, c'est vous si vous voulez que je vous garde la semaine prochaine. Non, non. Mais je te kiffe. Zézel, il fait du slam en plus, tu vois. Il et tu vois un truc, Non, attends, je sais. Comme moi, je vous aime tous. Je serai pas impartial. Maître Kevin, c'est vous qui allez choisir pour moi qui est-ce que je garde ou qui est-ce que je ne garde pas la saison prochaine. Si on reste, évidemment. Ah, cool. Mais de toute D'accord. façon, que je garde ou que je garde pas, ici ou sur une autre radio, parce que vous savez, vous venez avec moi si on part ailleurs, hein, les gars. Ah, donc ça veut dire que je peux aller chez Kevin. Alors, attention. Attends, je dois m'adresser à Maître Kevin 2 secondes. Oui, tu... Écoute, on peut... je peux négocier quelque chose de cool en échange. Si tu une me pipe. Oh, bah, oui, mais par contre, c'est la décision finale, elle revient quand même à moi. Donc si tu suces Maître Kevin. Mais tu seras pas. Et Kevin, toi, frérot, tu vas sans. C'est mon ex, tu t'en bats les couilles, quoi. Frérot, ouais, 7 ans d'amitié. Mais je déconne, frérot. Bah bien sûr. Mais tu. Non mais je sais que t'es un chien de la. Maître Kevin, il est ce qu'on appelle dans le milieu un chien de la casse. C'est-à-dire que pote ou pas pote, il va y aller, lui. Il s'en bat les couilles. Il est sans respect, non, il est sans règles. Et, non, sans foi ni règles. Pour le coup, je te jure que ça, c'est un truc que je ferais jamais. C'est pécho la meuf ou l'ex d'un pote. C'est impossible. Ah, c'est bien, Maître Kevin. Moi, je suis quand même sérieuse en fait. Il a les mêmes valeurs que moi aussi. Donc, Maître Kevin est un chien de la casse et moi, je suis une chienne chagasse en fait. C'est ça. Hein? c'est qui? Qu'est-ce que Shaggy vient faire dans cette histoire? Laissez-le dans cette galère, s'il vous plaît. Non, il a voulu intervenir. Faut pas lui en vouloir, il est petit, il est foufou. Uchaga, c'est une pute à Marseille. Voilà, juste comme ça, vous savez. Merci. Voilà. Benassi, Chris Brown qui arrive sur son radio. Ah, je pensais que ça allait faire rien. Et pas. Je connaissais pas le terme. Ah, bah c'est Uchaga, voilà. Paradise. Avec des vannes comme ça, t'iras pas, Jonathan. Ah, mais je vais t'écrire un putain de texte, Mike. Thomas. Oui. 14 ans, tu m'appelles d'où, mon pote? De Chièvre. Eh ben bienvenue. Tu te calmes, arrêtez. C'est vers où, Chièvre? C'est vers Putain Chaleur. Non, c'est où? Près de Hatte. Chièvre, c'est près de Hatte, c'est ça? À côté de Marseille, ça. À Hatte? Non, à La Deuse. À Otigny. D'accord, très bien, Otigny, parfait. La Deuse à côté de Partouze. Bah, sois le bienvenu, Thomas. Mais vous avez l'électricité là-bas? Mais quoi? T'as l'électricité, t'as du réseau et tout? C'est potable? Ouais, j'ai tout. Mais on arrête plus de pleurer. Alors, Thomas, on va jouer ensemble au blind test pour un précoce. Oui. Ok, alors choisis quelqu'un pour jouer face à toi. Tu choisis, je déconne, hein, Thomas. Tu choisis Jonathan, tu choisis Zezel, tu choisis Coralie ou tu choisis Maître Kevin pour jouer face à toi au blind test pour un précoce. Je te déconseille Jonathan, parce qu'il connaît tous les sons là. Bon, on va prendre Coralie. Coralie, très bon choix. En plus, elle est fatiguée. Elle connaît rien, surtout. Alors, Thomas, je rappelle que vous allez avoir un titre chacun. Tu commences ou tu laisses Coco commencer? Je sais pas. Bah, soit tu commences, soit je commence. Mais franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la question de leur vie. Est-ce que tu commences ou tu commences, Coco? Elle est de mauvaise humeur de ouf, Coralie. Bah, et non, le pire, c'est moi sûrement qui commence de toute façon. Donc, pourquoi tu poses encore la question? Bon, allez. Donc, ce sera toi qui commencera, Thomas. Ok, frérot, c'est un avantage pour toi en plus, je te le dis. Ok? Ok. Bon, Thomas. Alors, c'est parti, blind test pour un précoce. Vous avez chacun un joker. On y va. Donc, Thomas, tu commences, mon pote. Écoute bien, donc blind test par un joker, ça disait que ce serait très court de 2 à 3 secondes et ça joue comme au tir au but. Alors, coupe la radio derrière toi, je sais pas ce que. En plus, c'est même pas Fun Radio que t'écoutes, ou je sais pas c'est quoi derrière le son. Ouais, ouais, c'est pas vous parce que moi je vous trouve plus. Ah, c'est emmerdant. Ouais. D'accord. Alors en même temps, Chièvre, je crois pas qu'on a une grande fréquence. Ah, c'est ça. Si, il y a une fréquence à Otigny. Bah, Otigny ou 29, ouais, Wavre. Otigny ou 29, Wavre, je crois. Bah, ouais, c'est bizarre. Bon, bref. Bah alors c'est quoi la réponse? 105.5. Celle-là Il sait pas. Vous avez la repassée? Non, on peut pas, on n'a pas le temps. 2h09. Ah. C'était Kaigo. Kaigo, mais t'inquiète. Je sais pas. Tu vas pouvoir te refaire. Parce que je rappelle que toi, c'est ou le titre ou l'artiste. Et comme Coralie, bosse à Fun Radio, c'est titre plus artiste. J'en ai rien à foutre que t'aies pas dormi de la nuit. T'avais qu'à dormir. Je sais pas ce que t'as branlé cette nuit, Coralie. Bah, toi. Non. Non, c'est pas vrai. Je dément. Meilleure partie de la soirée, quand même. C'était facile. C'est donné. Je suis meilleure quand je suis fatigué, quand même. Je crois, ouais. C'est Khaled. On et va s'aimer. Mais c'est moi qui dois répondre. Khaled et. Ben on va s'aimer. On va s'aimer. C'est la vie alors. C'est la vie, je n'accepte pas le point. On va s'aimer si Gilbert Montagné. Hein. J'en sais rien. Je vais m'écouter une chanson de la, Gilbert Montagné. La la la la. Non mais et elle a quand même sorti. On va s'aimer. On va s'aimer, pardon. C'est-à-dire qu'elle a quand même réussi à confondre ce titre-là. On va danser. Oui, c'est la vie. La la la la la. Avec ce titre-là, quand même. À s'envoler. Toujours plus haut, où l'amour est beau. Oh. Ah, laisse-la. J'ai atterri où? On va s'aimer à toucher le ciel se décaler. Bah, c'est bon, regarde. On va à 6 émissions, frérot, on est obligé de tout donner, on est obligé de kiffer notre race. On a vu le boss tout à l'heure, il a dit kiffer, les gars. Il y aura un tac à suivre la semaine prochaine, je te le dis. Ah, c'est bon, ça. Voilà. On en fera tous les jours, on fera des tacs à suivre la semaine prochaine. Attention! Nouvel extrait avec toi, Thomas. Qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air de faire rien. Plus belle la vie. Plus belle la vie. Oh mon dieu. Ah, mais c'est pas loin, c'était une série télé. Hein. C'est pas loin. C'est une série télé. Qui va revenir bientôt et on a mis un article sur funradio.be d'ailleurs, tous les secrets sur la saison 5. Ils vont faire un reboot? Ouais, ouais. Non, ils vont pas faire un reboot, ils vont faire une suite. Ah, c'est la suite. C'est la suite. Ah, okay, d'accord. Parce que le dernier épisode dans lequel Michael Scofield meurt a pas été diffusé aux États-Unis. Donc, normalement, je t'ai donné le nom du personnage, donc normalement, t'as la bonne réponse. Enfin, non, t'as pas le titre. Ah, il meurt. Ouais, dans le dernier, ouais. Mais il a pas été diffusé aux États-Unis cet épisode. Paf. C'était dans ton tapin l'info, mec. Hein, 5, oui, je sais, mais 5 saisons dans ma gueule. Hein. Ouais, c'est ça. C'était Faf la rage. Je pense que je sais même pas qui c'est. C'est qui Faf la rage? Tu te rappelles pas de Prison Break? C'est trop bien ça. Ah, t'es peut-être un peu jeune, Thomas, 14 ans. Ah, mais il est né en 2002 quand même. Je regarde du Squeezie. Du Squeezie, c'est déjà bien. Ah, t'es un bon. Yes, I. Et tu regardes, c'est quoi la série que tu regardes, Coralie? Skins? Ouais, je regarde Skins, je regarde Scream, je regarde Downton Abbey, je regarde Doctor Ouais, c'est bon, on s'en fout, on t'a pas demandé non plus. Non, Skins en ce moment et Scream, ouais. Ok, bon, tu sais quoi, Thomas, on a plus le temps de terminer. 2h12 du matin, cadeau Fun Radio pour toi, ok? Ok. Bonne soirée, mon Thomas. Bonne soirée. Bonne soirée, mec. T'as cours ou pas demain? T'as l'école? Demain je n'ai pas école, vendredi je n'ai pas école, lundi je n'ai pas école. Bon, en fait j'ai déjà terminé. Attends, vacances. Ah le salopard. Bon bah très bien, profite bien Thomas. Bah, c'est logique, hein, là ils sont sur des libérations là. Ouais bah oui, non mais bon, il y en a qui bossent encore. Oui. Il y en a qui sont en examen et on pense à vous les amis. Et salut mon pote, je te repasse Coralie, on va t'offrir du cadeau, on va t'envoyer ce qui va te faire plaisir à la maison. Vous tous et vous tout en direct, l'émission n'est pas finie, JT déjanté à venir. Benny Benassi, Chris Mann, on s'écoute en speed, voici Paradise sur Fun. Bonne nuit, merci d'écouter Fun Radio. Jusqu'à 2h. C'est plus. Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. 2h14 sur Fun Radio, on va terminer ultra à la bourse ce soir. Désolé patron, désolé Ludo, désolé Grey. Bon, demain on terminera plus tôt. Et tu sais quoi, on va s'excuser au nom de Lloyd. Ah non, ouais, d'autant qu'il y a une réunion en plus aujourd'hui. Les boss nous ont dit ils savent pas encore. On en a pas vraiment parlé, tu vois, mais on va pas en parler en fait. Non, mais on peut dire aux éditeurs, on a promis qu'on allait tenir tout le monde au courant, donc voilà, ils savent pas encore. Ouais, ils savent pas. Mais en tout cas. Et nous non plus, on sait pas encore, on parle. Voilà. On parle encore et on va continuer à parler. Et on vous tiendra au courant dès qu'on sera tombé sur un accord. Ou sur un palmier. Voilà. Est-ce que je peux donner mes pronostics? Parce que je suis bon en l'autofoot, j'espère que franchement, normalement, on reste l'année prochaine. Merci beaucoup pour cette intervention. La prochaine saison. Ça va bien, Zezel, sinon? Ouais, ça va. Et Zezel, il y a eu Eric qui a invité tout à l'heure dans l'émission, et Zezel m'a raconté Eric, parce que tout à l'heure, vous avez entendu, si vous étiez là depuis 23h, Zezel, qui est adepte des clubs libertins, a proposé un plan à 4 avec Eric, qui nous a avoué à l'antenne qu'il cherchait. Eric l'a recalé à l'antenne avec sa meuf. Ouais. Sauf que, frérot, t'es venu me raconter. Pendant une petite clope, en fait, pendant la petite pause clope, pardon, le gars, en fait, il est venu et il m'a dit on serait prêt à faire du cotécotisme. Tu vois, donc voilà. Il est coquin quand même. Je suis sur le dossier. Il est coquin, là, Eric. Je suis sur le dossier. On le retrouvera, Eric, avec tous les anciens de l'Open Space, toutes celles et ceux qui ont fait cette année, jeudi prochain. Excuse-moi, toutes celles et ceux qui ont fait les bons moments de cette année. Les bons moments de cette année, pardon. Jeudi prochain, donc Jonathan nous écoutera de chez lui. ce sera jeudi prochain et jeudi. Oui. Voilà. Non, vous le dites non pas, tu peux pas. Tu peux pas le dire. Mais tu l'as dit que tu pouvais pas le dire. Je peux pas le dire. Ouais, en fait, il est 2h16. Bon, tu sais quoi? Il est 2h16. Allez, jeudi, vas-y. On ne fera pas 3h, on fera 6h d'émission. Oh. On fera 6 heures d'émission. Ouais les gars. Jeudi prochain. Mais Coralie, ça changera rien pour toi. Exactement. Coralie, c'est l'habitude. N'inquiète pas. Alors là, il y a la gueule de Jérôme, le stagiaire, qui est occupé de se décomposer. Tu vas mourir. Zézel, pareil. Non, moi ça va. Jeudi prochain, on fera 6 heures d'émission, mais en famille avec, avec toute l'équipe. Allez, juste avant de se quitter, la famille, voici le JT des gens de télé, titres à la une de l'actualité demain. Si vous n'avez pas entendu tout à l'heure à minuit. Hello Gonathan, hello Zézel, hello Jérôme, hello Maître Kevin, hello Coralie. Hello à tous. Depuis un mois, Maggie Debloc a décidé de prendre du recul. Oui, le bilan provisoire, 6 personnes écrasées. Par SMS. Oui, si tu veux retrouver la mémoire, envoie Alzheimer au 8-12-12. Je répète, Alzheimer au 7-14-14. Une perche à selfie, c'est comme une coloscopie. Oui, plus elle est longue, plus tu vois de trous du cul. La place. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Oui, sauf si vous êtes roux. C'est déjà assez dur comme ça. Elle vient d'accoucher d'un noyau. D'un noyau ? Tout nouveau de bonheur à Cerise de Groupama. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'il y a, lui ? Il se calme. Il est sûr, je sais pas ce qu'il a ce soir, Jonathan. Bon, allez, les amis, 2h17, faut y aller, 2h18 même. On va se retrouver demain, dès 23h. Putain, demain, 5 émissions avant la fin. Soyez là demain, dès 23h. Évidemment, dès 6h du matin, il y aura Evan et la tribu pour vous réveiller entre 6h et 9h. Lui aussi, voilà, bah, Evan, il part en déloc en plus la semaine prochaine. Allez, franchement, gros big up le frérot Evan. J'espère qu'on l'aura dans l'émission. Bah non, il part en déloc. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan ? Il rigole pour autre chose. Mais non, non, je rigole parce que le mot trou de cul m'a fait rigoler. D'accord. Ah d'accord, c'est juste pour ça. Ok, okay d'accord. Bon, Evan demain matin 6h-9h et on lui fait des gros gros bisous à Evan et à toute l'équipe de la tribu, à Justine, à tout le monde. On sera de retour demain 23h après Vince, il y a Audrey à 17h. Bisous l'équipe, bisous Maître Kevin, à lundi, à demain pardon. À demain les amis, yes. À demain frérot, l'autofoot demain, 8 matchs à pronostiquer. 8 matchs. Et demain on ira faire un tour évidemment du côté du hockey sur glace. Le hockey sur glace, ça va pas mal bouger avec Gilbert Beaubois. Gilbert Beaubois, vos pronostics pour demain? Alors, les deux pronostics demain avec le, bien sûr, le but de Wayne Gretzky. Bien sûr, la Russie qui va battre, bien sûr, les Russes. Bon, bisous. 2 buts à 0. C'est bisous, ma chérie d'amour. Bisous, Coralie. Bisous. Bisous, Jérôme. À bientôt. Enfin, à bientôt. À demain, pardon, excuse-moi. Bisous, Zézel. Ouais, bientôt. Merci, mon pote. À demain. Oui, peut-être. Bisous, mon Jonathan. Bah, bisous, à demain. À demain, dans l'émission 2h19. Plein. Bisous, la famille. On espère que cette aventure, elle est pas prête de se terminer. Et quoi qu'il arrive, cette aventure, elle continue ensemble pendant encore 5 émissions. Demain, on sera là dès 23h sur Fun Radio. Plein de bisous. Libertad. Mike Open Space revient demain dès 23h pour retourner le pays sur Fun Radio. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Bonne nuit, la Belgique. Et tu valides. Et tu valides. Et tu valides. Valider. Tu valider. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu valider. Tu montes de tasse chez toi et tu valider. Tu valider. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Valider. Valider. Depuis mon premier CD, maman m'a dit mon fils, tu es acharné au taf pour y arriver. Nuit blanche, on a dû bosser, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée, déliré au bloc en cellule, dans des coins paumés, dans tous les quartiers, je suis validé. En France, en Afrique, tourbus sud-ouest de la région centre, au nord, pas de Calais. Toi, tu n'arrêtes pas de caler, et tu validé. Très mauvais élève, les profs ne m'ont jamais validé. Depuis mes débuts, seulement si j'avais su refaire l'école, j'aurais pas quitté. J'aurais pas quitté, Maintenant je sais, en élevant ma fille, que ça devait être très dur pour le daron. Je l'ai fatigué de tous ses objectifs. J'ai besoin d'air, je crois que le morceau, je vais pas le clipper. En fait si, je vais le clipper, Validé. Tu valides. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu valides. Tu prends le tasse chez toi et

galerie, non, non. La tête haute, entière et fière, le chemin est long. Jamais je baisserai les bras, je vous entendais, y'a plus d'espace. Pour les gens comme toi, en France, ville aux USA. Mais tu comprends, je vais me signer une artiste qui fait pareil que toi. 400 000 followers, suiveurs, mais jamais des A. En partant, laisse ton catalogue, je filerai bien à Chimba.